c'est les amateurs de Mac, bonsoir. C'est un go maintenant. À tout le monde, aux amateurs de Mac, bonsoir. On commence tout de suite ce show-là un peu en retard, comme d'habitude, mais on prend le temps de prendre une respiration entre le podcast Mac Québec et les amateurs de Mac. J'ai à mes côtés mon fidèle compagnon, mon ami, mon co-animateur, Vincent Miller. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien, toi? Oui, j'ai essayé de dire des choses gentilles parce que je sais que, bon, les derniers podcasts, on a été un peu méchants avec toi. Écoute, même tantôt, Jeff, quand il a fait une attaque sur les Américains, moi, je suis Américain, fait que... Ah oui? Ben, ouais, Miller. Ouais. Il est Miller, il n'est pas Miller Lite, je l'ai vu devant moi. Je pensais que c'était à cause de Corona. Ah, voilà. Miller, Corona. Ouais. Ouais. Pas de la limonade, puis en plus, il est Américain, donc il n'a pas le droit de boire aux États-Unis encore. En plus, certains États, oui. Ouais, voilà. J'ai Jean-François qui est avec nous ce soir, qui est resté du podcast Mac Québec. Ça va bien, Jean-François? Oui, très bien, toi? Oui, autant que le dernier 18 minutes. Oui, aussi. Excellent. Ouais. Et on a Bernard qui est resté avec nous, qui revient d'à peu près 6 mois de vacances. T'étais où la semaine passée? Ben, hein, tu faisais quoi le 28 au soir? Moi, mon contrat, c'est le podcast. Puis, ça me tente, ben, je reste pour l'autre. Là, il y a les deux autres qui sont supposés faire un contrat. Ben ouais, c'est ça. On a signé où, nous autres? Ouais, c'est ça. Il y a un salaire, lui. Tu vois, s'il y a juste pas qui est payé. C'est juste toi qui est payé dans toute ma Québec. Voilà. Les amateurs de Mac, bonsoir. C'est un podcast de questions-réponses. C'est un podcast de ligne ouverte où vous êtes invités, vous, auditeurs, à venir essayer de nous attraper avec vos questions et voir si on va dire des niaiseries ou pas. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur parce que chaque semaine, le nombre de personnes ultra compétentes et très connaisseuses et très fanboy augmente dans la chatroom. On est en ce moment 20 personnes à l'encoute. Et je les remercie parce que ces gens-là viennent pas pour nous dire « Ah, vous êtes pourris », ils viennent pas pour nous dire... Ils viennent pour partager ce moment-là avec nous. Ils viennent pour partager leurs connaissances comme nous. C'est ce qu'on fait, partager nos connaissances avec les auditeurs. Et on est très contents de le faire. Je trouve qu'il y a un petit buzz intéressant sur les amateurs de Mac. Bonsoir. Pas que le podcast Mac Québec, c'est du vieux stock ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant. C'est la dynamique et le fun. Donc, je suis très content de vous avoir avec moi. J'espère qu'on va se bidonner comme la semaine passée, c'était assez... Semaine passée, on y a été fort. Voilà. Je pense qu'on a fait peur à du monde. Donc, on commence cette semaine. On a des questions. J'espère qu'on a des questions. C'est un show de... On a une question. Il y a un monsieur, attendez, je vais essayer de le retrouver, qui nous demande... Est-ce que ce serait mieux d'acheter un MacBook Air ou un MacBook... C'est Jobin Air. MacBook Air ou Pro, quel serait le meilleur choix? Oh, ça, on a ça. Ça vient d'où? C'est... Ça vient de l'application LAMB de MB. Ah, donc, OK. Ouais. Donc, c'est Oups 7777 qui nous l'a relayé dans le chat. Excellent. Donc, un MacBook Air ou un MacBook Pro? Honnêtement, il manque peut-être des détails en termes de... Il manque beaucoup de détails. Est-ce qu'on est un grand voyageur? On fait du montage avec ça ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec l'appareil? C'est important de le savoir parce que c'est ça qui va déterminer le choix d'un appareil. C'est comme un appareil photo si tu veux faire un paquet de trucs ou bien c'est juste un petit appareil qu'on veut se servir de temps en temps, ben tu prendras pas quelque chose à 1500$. Donc, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de détails. Puis, d'ailleurs, je magasinais avec ma mère cette semaine pour un nouvel appareil photo parce que, je l'ai expliqué dans l'autre podcast, elle s'est munie d'un nouveau iMac. Elle n'a pas du tout été influencée par son fils. Là. Elle aime, c'est genuine, là. Elle aime vraiment les produits Apple. Ouais. Et son appareil photo datait de... Je pense que ça datait du millénaire passé. Et la carte mémoire dans son appareil photo, c'est une carte Smart Media. Je suis sûr que vous ne savez même pas c'est quoi. Et le lecteur Smart Media qu'elle avait ne fonctionnait pas sur son appareil. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution, il n'y en a pas, c'est plus supporté. Fait qu'on est allé magasiner un appareil photo, puis j'ai dit, prends-moi un Rebel T3i pour prendre tes photos de Lego que tu veux mettre sur eBay. Puis elle a comme pas voulu. C'est une femme intelligente, ma mère. C'est ça, elle a pris un petit appareil photo. Mais pour revenir au MacBook Air versus MacBook Pro, si on se fie au CES en ce moment, la grosse affaire, le mot, je pense, cette année, là, l'année passée, c'était tablette. Cette année, le mot, c'est Ultrabooks. Ils sont tous en train de copier C'est malin. Le MacBook Air de Apple. Mais, j'ai pas analysé chacun des modèles proposés, mais Apple a encore et toujours un avantage qui est le Thunderbolt sur son MacBook Air. Et Belkin a sorti une bebelle vraiment intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, le petit dock. Il y en a sorti deux. Il y a deux docks. Il y en a un plus desktop, puis l'autre est plus un petit peu plus pour les portables. OK. Je ne sais pas lequel des deux j'ai vu. Là. C'est une espèce de curve qui ressemble à un bas de pied d'écran Apple dans lequel, en fait, tu connectes un fil à ton Thunderbolt. Puis tu as tous les connecteurs que tu peux retrouver sur un MacBook Pro. Ah, OK. Non, je pense que je me trompe. Moi, ce que je parle, c'est Seagate qui a fait ça. OK. Parce que Seagate en sort aussi des Go satellites, mais pour Thunderbolt, tu glisses un disque dur dans le dock, puis t'es rendu avec un disque Thunderbolt. OK. Mais là, tu parles de connecteurs comme USB puis FireWire. C'est que Seagate fait des connecteurs. Tu achètes le disque principal, peux acheter les socles que tu veux. Ça, c'est le disque Go de Seagate. C'est des très beaux disques. Ça. Moi, ce que je parlais, c'est vraiment un dock, donc un appareil sur lequel tu peux brancher plein de trucs, un espèce de hub, mais multiport, comme Vincent le disait. Effectivement, c'est un truc avec des ports USB 3, du FireWire 800, un Ethernet gigabit, une entrée audio pour brancher des écouteurs. C'est vraiment les ports que tu retrouves sur un appareil comme un MacBook Pro. Donc, la série de ports complet, mais dans un dock Thunderbolt, puis tout ça fonctionne très bien. Le problème, y a-t-il quelqu'un qui a vu le prix de ça? Non. 299 $. C'est cher. C'est pas donné. Ouais, c'est sûr. Donc, si on enlève, en fait, la nécessité d'un lecteur de CD ou que ça ne nous dérange pas de l'avoir en externe, si on enlève la nécessité d'avoir toute la puissance brute qu'un MacBook Pro peut nous donner, parce qu'on n'a pas de montage vidéo à faire, parce qu'on n'a pas de travail intensif à faire au niveau graphique, parce qu'on n'a pas de travail multitâche à faire, par exemple, dans Office avec toute la suite ouverte au complet, plus un virtualisateur de Windows, plus iTunes d'ouvert, plus les trois browsers d'ouvert en même temps, on n'a peut-être pas de besoin du MacBook Pro. Et ce qui va manquer au MacBook Air, c'est les connecteurs. Donc, le hub, le dock dont je parle, viendrait régler ce problème-là. Et juste la dernière chose, donc pour y revenir, c'est que le Thunderbolt qui est sur les MacBook Air donne une longueur d'avance à ces ordinateurs-là. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Exactement. Puis, une autre chose qui est peut-être un peu moins pratique sur le MacBook Air, ce serait aussi la capacité de stockage, parce que oui, on peut aller jusqu'à 256 gigaoctets, mais je veux dire, 256 en flash, en SSD, ça coûte cher, surtout de ce temps-ci. Puis si t'es pas prêt à investir de l'argent là-dedans, ben t'arrives avec un 64 gig ou un 128 gig. Donc moi, j'ai fait un formatage de mon ordinateur, puis en réinstallant tout, j'étais arrivé à peu près 200 gigs. Donc déjà là, même si j'avais quelques logiciels de pas installés, je dépassais déjà la capacité du 128 gigs. Donc si j'avais un MacBook Air, ça commençait à me coûter cher de storage, là, de capacité de De stockage. Ouais. D'ailleurs, sauf que le MacBook Air, c'est un appareil nomade. T'sais, c'est un appareil qui est fait pour se déplacer beaucoup. C'est les gens qui sont plus voyageurs ou qui vont aller étudier avec ou se déplacer ou aller travailler avec. Mais c'est pas fait vraiment pour être un ordinateur de tous les jours qui va stocker un paquet d'affaires, qu'on fait du montage, tout ça. Mais si l'utilisation, c'est du traitement de texte, naviguer sur Internet, regarder des vidéos, tout ça, le MacBook Air, c'est un excellent appareil pour ça, qui est plus mince, plus nomade, avec un SSD beaucoup plus rapide pour se loguer, avec le port Thunderbolt, avec les nouveaux disques durs SSD qu'on voit au CES, c'est quand même assez intéressant de regarder du côté du MacBook Air. Il faut dire aussi qu'un écran de 13 pouces sur un MacBook Air équivaut, m'a-t-on dit, à un écran de 15 pouces. On a comme vraiment l'impression qu'on est sur un 15 pouces. En termes de résolution, c'est vrai. En termes de grandeur, évidemment. En termes du nombre de pixels, dans le fond. Ouais. Ouais. Okay. On parlait un petit peu plus tôt du stockage. On va en reparler. On a une bonne question à ce niveau-là. Moi, j'ai au niveau des disques durs et tout ça, j'ai des visées, en fait, que j'aimerais vous donner. Oui, Jeff? J'ai trouvé sur Tom's Hardware que le Thunderbolt sur PC sortirait en avril. OK. Je pense qu'elles vont l'intégrer à leur carte mère. Malheureusement, je pense qu'ils vont y aller avec une mouture un petit peu différente et que ce ne sera pas compatible. Ça va être comme Sony a fait dans le temps du FireWire, là, puis rendre les produits pas tout à fait nécessairement compatibles, avoir leur propre ligne. Je ne sais pas comment ils vont sortir ça, mais j'ai bien, bien peur parce que le Thunderbolt est quand même un standard. Proposé par Apple, développé par Intel. Il faut le dire, ils n'en sont pas l'inventeur, ils en sont juste les premiers distributeurs. Et, ils ont travaillé évidemment en collaboration, mais ça se veut un standard. Donc, les autres s'y embarquent pas dans le train de la même façon. C'est un petit peu plate pour le consommateur. OK, je veux juste faire un petit aparté parce que je lis ce qu'il y a sur le chat. Il y a des gens, est-ce que les gens ont vu ma question, tout ça? Posez pas votre question nécessairement dans le chat. Il y a un outil spécial dans Vocal pour poser des questions, puis c'est sûr qu'on va les voir. Vous pouvez même poser votre question avec la webcam. Alexis, c'est où donc? À côté du bouton... C'est à côté du bouton Send, dans le bas. Donc, quand vous écrivez quelque chose, au lieu de faire Return, vous allez voir un petit peu plus loin, vous allez voir le bouton Send et il y a un autre bouton à côté qui correspond à la demande de questions. Et on va le voir directement apparaître dans l'outil de questions. Et d'ailleurs, quelqu'un a très bien compris le message et on affiche sa question à l'instant. Donc, OK, parfait. Alors là, ça fonctionne, on a déjà deux. Puis en même temps, mais ça nous sert à la diffuser également, là, comme vous le voyez présentement. Écoute, moi, j'avais commencé un peu à répondre avec. Je veux juste dire un peu, moi, ce que je pense de ça. Mac Mini, puis où... je vais lire la question. Est-ce mieux un Mac Mini avec un écran à côté ou un iMac? Moi, je crois plus qu'un iMac, c'est côté puissance. Puis quand tu veux un Mac Mini, c'est soit pour... si tu veux transporter plus facilement ou changer d'écran plus facilement. Moi, j'ai deux écrans d'ordinateur pour le développement, entre autres. Ça va beaucoup mieux. Je peux séparer mon écran. J'ai un écran un peu plus grand. Donc... je trouve que ce serait beaucoup plus pratique d'avoir des écrans, changer d'écran, pas obligé de que ce soit un Mac pour payer 1 000 $ l'écran. Par contre, le iMac, tout est ensemble, c'est tout en un, donc tout est branché dans l'écran aussi, ce qui est pratique. Donc, si tu veux pas un petit tour à côté de ton ordinateur avec plein de fils, le iMac, c'est peut-être une meilleure solution, surtout que c'est assez puissant, puis que c'est peut-être un peu plus puissant que Mac Mini, pardon. Puis un Mac Mini, si vous voulez faire un Media Center avec ou bien un petit serveur pour stocker les fichiers ou centraliser les fichiers, j'irais plus vers un Mac Mini si c'est l'usage que vous voulez en faire. Pour tout le reste, j'irais vers un iMac. Ça, c'est un appareil qui est beaucoup plus puissant. C'est un appareil qui est dump-proof aussi. On voit que le concept de tout en un, là, les gens sont tannés de leur tour. Il y a de plus en plus de compagnies qui essayent de sortir des appareils tout en un, comme Apple le fait. Mais écoute, c'est simple à mettre en place. Tu as un fil à brancher au mur. Si ton ordinateur ne fonctionne pas, c'est là que tu regardes. Tu n'as pas de fil pour l'écran, de fil pour ci, de fil pour ça. Fait que c'est vraiment génial en termes de mise en place. Là. Tu sais, tu le plugues, tu pèses sur run, tu es prêt à démarrer. Et faut le dire, là, c'est des appareils qui sont très beaux en termes de qualité de fabrication. Viennent avec le clavier sans fil qui est c'est pas un standard, mais ce serait, si tu veux, là, le clavier Apple, là, tu commences à taper dessus, tu te rends compte que c'est pas un clavier cheap fourni avec une tour banale. C'est vraiment un clavier de qualité. La souris aussi qui est vraiment intéressante, qui est fournie avec. Donc, c'est simple à utiliser, à mettre en place. Moi, j'aime bien le iMac comme appareil. Si vous y connaissez un petit peu plus à ce moment-là, il y a le Mac Mini qui permet, comme Vincent le disait, de pouvoir adapter les choses. C'est peut-être bon comme deuxième ordinateur, comme Bernard le disait, comme un Media Center. Ou, écoute, moi, si je voulais montrer, donner un ordinateur à mon grand-père, que ce soit un Mac Mini, ce serait parfait parce que c'est pas un ordinateur cher, premièrement. Tu sais, 600$ de bas de gamme dans le Mac Mini, pour lui, c'est parfait. Écoute, même le Thunderbolt, il l'utilisera jamais. Tandis qu'un iMac, c'est peut-être un peu trop puissant pour ce qu'il y a de besoin. Tu sais, moi, ça commence à 1200$. Ben, 1199, mais, si tu veux pas trop investir puis avoir un Mac Mini sera la meilleure solution, surtout si jamais t'es sur Windows et t'as déjà un écran. Mac Mini, si tu veux commencer sur Mac puis tu fais pas grand chose dessus, juste aller voir justement tes courriels ou ce que tu ferais avec un MacBook Air, ben écoute, vas-y pour le Mac Mini si tu veux. La grosse différence va être au niveau de la carte graphique aussi, donc c'est à prendre en considération. S'il y a un peu de gaming à faire sur l'ordinateur, on irait avec le iMac. Vincent, tu disais tout à l'heure que tu travaillais avec deux écrans. C'est quand même possible d'en brancher un deuxième sur le iMac à l'aide d'un adaptateur et évidemment d'avoir l'écran du iMac. Ce que les gens aiment pas trop, c'est que ben le deuxième écran va pas être tout à fait à la même hauteur adapté, mais c'est très rare qu'on peut les avoir parfaitement adaptés, les écrans. Ben, tu sais, quand je parlais de deux écrans, moi, j'ai un MacBook Pro, puis je branche un écran externe que j'utilise pour le développement. Puis quand je teste ma programmation, ben, c'est le deuxième écran, ou avec sûrement mes tweets aussi que je suis aussi. Donc, je sépare un peu, je programme d'un côté, puis je suis ma vie sociale de l'autre. Donc, si vous pouvez rajouter peut-être, pour qu'on affine la réponse, peut-être quelques détails dans le chatroom. Je sais qu'on demande de poser des questions là, mais au niveau de l'utilisation, peut-être nous donner quelques indices supplémentaires. On pourrait affiner la réponse. Ou même aller sur le site d'Apple, ils ont des outils pour comparer des différents produits. Là, si vous voulez juste voir combien ça pourrait coûter pour acheter un peu de RAM, c'est très facile aussi. Ah, oh, puis en plus que là, la RAM est gratis, genre. C'est comme un tutoriel. Ouais. Je veux juste vérifier parce qu'on vient de parler de beaucoup des disques durs et on avait des questions dans notre line-up. Je voulais juste faire un tour d'horizon pour voir si on avait bien répondu. La raison pourquoi je voulais parler des disques durs, c'est qu'on a reçu des questions cette semaine. Les gens qui s'achètent des disques durs externes parce qu'ils n'ont plus de place dans leur ordinateur portable, puis ils veulent prendre leurs données et les mettre sur le disque dur externe. C'est déplacer le problème, c'est échanger 4,30 sous pour une pièce. Ton disque dur interne de ton ordinateur, si tu as ton ordinateur avec toi, c'est évidemment le disque dur que tu as toujours avec toi. Puis si tu es rendu au bout de l'espace que dans ton disque dur interne, il y a fort à parier que le prendre, le vider sur un disque externe, ça prendra pas beaucoup de temps avant que tu te retrouves à avoir encore une fois rempli ton disque dur interne, puis simplement pelleter tes données dans un disque dur externe que, en termes d'usabilité, d'utilité, tu vas comme... Ça va être gossant d'aller le prendre, le brancher à tout bout de champ. Tu te déplaces avec ton disque dur, avec ton ordinateur, tu t'installes sur la table de la cuisine, tu t'installes sur une petite table dans ton salon, whatever. Fait qu'avoir toujours cette espèce d'appendice-là connecté à ton ordinateur, ça peut être un peu fatigant. La première chose à faire, si ton disque dur est plein dans ton portable, c'est de mettre un disque dur plus gros Ça se fait facilement, simplement. Évidemment, là, je vais le dire, là, Mac Québec peut fournir le service à domicile, mais vous pouvez le faire. En plus. Ben, y a des tutoriels partout sur YouTube, là, t'sais, bon. Et c'est très facile de prendre les données, de les copier sur le nouveau disque dur. Il n'y a pas de réinstallation à faire. Il n'y a pas quoi que ce soit. On fait une copie parfaite, un ghost du disque dur sur le nouveau. Puis on continue à partir de là et on a tout cet espace-là. C'est comme si on était capable de greffer une valise d'auto plus grande à Niaris, en gros. Mm-hmm. Et le disque dur externe, lui, est là pour faire le time machine du disque dur interne de l'ordinateur. Parce que si ton disque dur interne pète, tu viens de perdre toutes tes photos. De la même façon que tu perds toutes tes photos, si tu prends tes photos de ton petit disque interne et que tu vas juste les laisser à un endroit, c'est-à-dire sur le disque externe. Mais aussi faire son ménage de son disque dur, parce que bien souvent, on télécharge toutes sortes d'affaires, on oublie de vider notre dossier téléchargement, on a beaucoup de choses en double, en triple, en quadruple. Donc, il y a des logiciels comme CleanMyMac, comme d'autres, qui vont faire en sorte qu'ils vont trouver les doublons de fichiers, qui vont vider les logs de système, par exemple, qui peuvent prendre de la place. Bon, faire un peu de ménage en partant, ça fait pas de tort non plus, puis ça fait du bien aussi pour les backups. Si, écoute, moi, je pense juste aux fichiers d'installation, tu sais. Ouais. Personnellement, avec Xcode, quand tu télécharges une nouvelle bêta, tu l'installes, puis ça prend une certaine place dans ton disque dur une fois installé. Mais le fichier que tu utilises pour l'installer, le point DMG, je veux dire, lui, il ne te sert plus à rien. Fait que tu l'enlèves, puis ça te fait un 2-3 gigs d'espace. Puis ouais, c'est avec ces fichiers-là que tu fais ton ménage, puis que tu gagnes une couple de gigs de plus. Ouais, comme on dit dans le chat, M. Fauveau, d'ailleurs, on peut enlever les langues supplémentaires qu'on n'a pas de besoin dans les applications, ou s'il y a des applications qui font faire. Ça prend de la place. Dans le système, il y a plein de... Donc, on reprend notre disque d'installation de Mac, puis on va en personnaliser, puis on décoche les langues, puis tout ça. Donc, toutes sortes de façons là, de les enlever aussi avec d'autres logiciels. Mais si vous utilisez CleanMyMac et vous voulez enlever les langues, ne touchez pas à l'anglais. Non, en fait, tu ne pas anglais. En fait, tu peux plus. Je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, puis l'option n'est pas là. Tu peux pas. Ah, OK. Oui, il est comme blank, là. Tu peux pas l'enlever. Non, c'est ça. Excellent. Onyx, dans le chat, on parle de Onyx. Est-ce que c'est toujours bon? Moi, j'ai eu des problèmes dans le passé avec Onyx. J'ai fait un nettoyage, puis je pense que ça a trop nettoyé. le système buguait après. J'ai eu des problèmes. Là. Ça m'est arrivé aussi, effectivement, une fois dans 10.6. Je pense que la version 10.7 fonctionne bien. Effectivement, c'est des utilitaires à utiliser avec... Si vous avez un time machine de fait, allez-y, mais faut faire attention à ce genre de truc-là. La première chose à faire, c'est toujours un backup. Là. Avec précaution, tu sais. C'est sûr que quand tu touches ces logiciels-là, même CleanMyMac, tu parlais de langue. Là, l'anglais, ils l'ont enlevé parce que j'imagine qu'au départ, quand ils la laissaient, tout le monde l'effaçait puis ils ont eu des problèmes avec. Là. Mais c'est ton système beau de plus. Ben c'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est côté développement. Les langues, là, comment ça fonctionne, c'est que ça se réfère toujours à l'anglais, puis le mot en anglais qu'il voit, il traduit en français. Là, en ce moment, on le voit pas parce que c'est tellement rapide qu'on le voit pas côté développeur. C'est la même chose pour l'iPhone. Quand je fais ça, je fais des fichiers... l'application est en anglais de base, mais ensuite, elle est traduite en français. Tu l'écris en anglais aussi, en espagnol, puis en fait, ça se réfère toujours à la version en anglais, donc vu Mac OS X, ça vient évidemment des États-Unis, puis ça a été bâti en anglais, là, mais bon. On a une question en live, et puis on va y répondre, puis après ça, on va essayer de faire les questions qu'on a dans le document, parce que ces gens-là nous l'ont posé cette semaine, et voulaient avoir des réponses à leurs questions. Donc, c'est Kim qui nous renvoie une question probablement de Twitter et qui va comme suit. Je souhaite m'acheter une Time Capsule pour mon MacBook Pro. La Time Capsule est à 400, son MacBook Pro qui est à 500 gigs de capacité, lequel choisir, 2 ou 3 teras? Si je me trompe pas, ouais, c'est ça maintenant. Les Time Capsules, c'est 2 ou 3 maintenant? Oui, c'est une nouvelle version, oui. OK. Ben, c'est simple, en fait. Le Time Capsule doit simplement être égal ou plus gros que le disque dur de votre ordinateur et le nombre de fois plus gros, le nombre de données qu'il va être capable de stocker, c'est le nombre de données qu'il va être capable de retourner dans le passé. C'est-à-dire que plus vous avez d'espace sur votre time capsule, plus vous allez pouvoir retourner loin dans le passé. Par utilisation... Par expérience, en fait, d'après moi, pour un MacBook Pro, le 2 Tera devrait être suffisant. Par contre, c'est un appareil qui vaut 300 $. On ne veut pas s'en acheter un aux 2 ans. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres ordinateurs qu'on va vouloir backupper qui vont éventuellement arriver dans 1 ou 2 ans dans mon parc informatique? Et puis, à ce moment-là, peut-être y aller selon ses besoins futurs-là. Peut-être, mais il faut quand même être certain. Là. Tu sais, si tu dis, ah oui, si je gagne le million, je vais m'acheter un Mac plus gros, c'est pas une bonne raison. Mais, Jean-François. Oui, mais c'est exactement c'est comme M. Duchamp dit. Mettons, on parle du 2 TB, mais après, c'est super facile à changer le disque dur soi-même. Là. Dans l'appareil. Dans la time capsule, c'est hyper facile. Oui, mais il faut pas. Faut passer par le pad en dessous, puis il faut le décoller. Puis ça, c'est sûr que l'appareil, là, on passe pas notre temps à le prendre dans nos mains. Puis, parce que ça vient assez chaud, merci. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le défigure un petit peu. Faut le décapsuler un peu. Ça le rend peut-être un petit peu moins intéressant visuellement. Mais oui, on peut changer le disque dur qu'il y a dedans, c'est vrai. C'est ça. J'ai la 2 TB, OK, ici. Puis faut dire aussi que Time Machine, il est quand même assez intelligent, là. Il va commencer votre premier backup, il va faire votre 500 gigs de disque, mais à chaque fois qu'il fait un backup, à chaque mois, il en efface un. Fait que si vous ne mettez pas de nouvelles affaires dedans ou des petits fichiers quelconques, whatever, le dossier ne sera pas plus gros, c'est juste qu'il va effacer au fur et à mesure. Ça, c'est quand il est plein, parce que... Quand il est plein, il efface après. Moi j'ai un 250 gigs, puis il était pas plein. Je veux dire, avant mon dernier clean-up, puis quand j'ai fomenté mon Mac, je veux dire, le disque dur était pas plein. Puis j'avais, depuis novembre 2010, dans le fond, fait que j'avais un an d'enregistrement, puis j'ai un téraoctet. Donc, je veux dire, 250 gigs, un téraoctet, c'est le quart, donc... on peut faire vraiment le calcul que 500 gigs avec un 2 téraoctet, tu vas durer au moins un an si tu as juste un appareil. Puis ton 500 gigs, je veux dire, à moins qu'il soit toujours rempli, là, tu vas pas atteindre cette capacité-là toujours. Donc, pour 2 téraoctets, t'en as en masse. Oui, puis tu fais pas toujours un backup de tout ton système au grand complet aussi. Ben tu non, peux choisir ce que tu veux. Là. Donc, même un backup sur Dropbox, ça marche aussi très bien. Là. Si tu t'achètes un peu d'espace disque sur un site comme Dropbox ou CrashPlan qui est bien populaire. Il y en a un autre pour Mac là, que je ne me souviens pas exactement du nom. Box.net. Là, il y a Box, mais il y en a un autre qui est fait. SugarSync. Non, je pense que c'est Dolly. Dolly Cloud. Dolly Parton? Ah oui, Dolly Cloud. Ah. C'est Dolly Cloud qui est vraiment fait pour Mac. Dolly Drive, quelque chose genre. Si on regarde. C'est Dolly Drive. C'est Dolly Drive. Donc, ils sont spécialisés aux Time Machine. C'est un MacBook Pro très nomade. Peut-être même de penser à faire son backup sur du clouding. Encore plus sécuritaire. Voilà. Puis d'avoir une solution matérielle à la maison. Les deux. Pour donner un complément d'information, il y a Gary Kenny, qui est l'enseignant du Nouveau-Brunswick, qui nous avait posé une question dans les premiers épisodes qu'on avait fait des amateurs de Mac. Le gars est enseignant, il avait 80 iPods à l'époque à mettre à jour. Mm-hmm. Puis il capotait parce que Apple avait sorti back-to-back là, en très, très peu de temps deux firmware, là, 4.1 puis 4.2, je sais pas quoi. Puis il venait de finir ses 80 à 4.1 puis il fallait qu'il recommence pour le 4.2. Il capotait. Ben, ça s'est pas amélioré, en fait, parce qu'ils ont rajouté 200 iPod Touch à son parc. J'y ai parlé un petit peu aujourd'hui. Mais peut-être une avenue d'espoir pour lui. Il y a le iOS 5 qui permet quand même la mise à jour sur un réseau Wi-Fi une fois branché en remote, en OTA, over the air. Fait que ça, ça peut quand même y sauver du temps parce qu'il n'y a plus besoin de le brancher sur l'ordinateur. Mais Gary venait nous voir aujourd'hui parce qu'il voulait savoir la différence entre un Time Machine et un autre type de backup. L'exemple qu'il donnait, lui, c'était Carbon Copy Cloner. Ben, les logiciels comme Carbon Copy Cloner ou encore, moi j'aime bien Super Duper. Moi aussi j'aime bien Super Duper. Ce sont des logiciels de backup qui sont là depuis un certain temps. Puis avant que Apple, on doit le dire, là, on doit être honnête, là, il y a beaucoup plus de monde qui font des backups, pas encore assez, il y a beaucoup plus de monde qui font des backups depuis que Apple a fourni la solution Time Machine dans leur ordinateur. Maintenant, des solutions comme Super Duper et Carbon Copy Cloner peuvent être programmées pour faire un backup de votre ordinateur, mais les gens ne le faisaient pas avant. Fait que pourquoi ils le feraient plus maintenant? T'sais, ces logiciels-là sont pas... Bon, c'est des logiciels standards, ça permet un paquet de raffinement au niveau de ce qu'on veut faire, au niveau du backup. On peut faire rouler des scripts, on peut demander de faire une réparation de permission avant de faire le backup. Moi, l'intérêt que je vois de ces produits-là ou de ce type de backup-là, c'est que c'est un backup qui est incrémental, un petit peu comme Time Machine, mais c'est un backup qui est surtout bootable. Donc, ça veut dire que si vous avez une panne de votre ordinateur qui est due au disque dur, on prend le disque qu'on a à côté, le disque externe, sur lequel on a notre backup Carbon Copy Cloner ou Super Duper, et on boot l'ordinateur à partir de ce disque-là. Et on est prêt à continuer à travailler jusqu'à temps qu'on fasse une petite opération de changement de disque dur au niveau interne là, de sa machine. Puis il n'y a rien qui empêche de faire un backup Super Duper sur le même disque dur qu'on fait nos backups de Time Machine. Voilà, c'est... ça marche super bien. Fait que tu te fais un disque backup qui est bootable. Voilà. Et c'est une façon de procéder qui est recommandée parce que Time Machine a... Je ne sais pas si on peut appeler ça un problème ou si c'est dû à peut-être des programmeurs d'applications qui ne suivent pas les guidelines de Apple. Mais on va pointer du doigt Entourage ou Outlook. Qui sont des logiciels professionnels de gestion de courrier sur Mac et qui se créent une base de données. Donc, on parle d'un seul fichier qui contient votre carnet d'adresses, qui contient votre calendrier, qui contient vos emails. À chaque fois qu'il y a une virgule qui change dans un de ces trois éléments-là, vous changez le numéro de téléphone d'un ami, vous recevez un nouveau email, vous effacez un email de la base de données, la base de données, elle est changée. Et plus vous recevez de courriels ou plus vous en conservez, plus vous conservez de données dans cette base de données-là, plus elle grossit. Mais Time Machine, lui, au bout d'une heure, il voit que la base de données a changé. Mais il est incapable d'aller faire le backup des éléments, des sous-éléments dans cette base de données-là. Il est obligé de partir un backup de la base de données entourage au complet. Donc, quand on fait un setup Time Machine et qu'on utilise sur un ordinateur entourage, il est fortement recommandé d'exclure le dossier Documents and... je pense que c'est Documents and Settings ou les identités Microsoft. Ce dossier-là est installé dans Documents, en fait, de votre dossier Petite Maison. Donc, il est fortement recommandé de discriminer du backup Time Machine ce dossier-là, puis peut-être aussi votre dossier de téléchargement, où est-ce que vous téléchargez des logiciels films, gratuits. Oui, mais des films Blu-ray ou des images Xcode, là, tu sais, le backup Xcode de 3 gigs. Des distributions d'Ubuntu. Ouais, d'Ubuntu, puis des trucs comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être... parce qu'il y a beaucoup de transit d'informations qui se fait là-dessus. Puis au bout d'une heure, ben, il va vouloir backupper tout ça. Je donne un exemple, là, dossier download, vous avez 15 téléchargements, ben, au bout d'une heure, les 15 téléchargements ont changé, les 15 téléchargements passent dans le backup Time Machine. Donc, on discrimine ça, là, ce dossier download-là, du backup Time Machine. Maintenant, de l'autre côté, comme Bernard le disait, ben le soir, à 2 heures, si vous êtes un être normal, vous dormez et vous pouvez programmer votre ordinateur pour que là, il fasse un backup de votre base de données entourage parce que vous n'êtes pas en train de l'utiliser, puis que c'est correct qu'elle soit faite seulement au jour le jour, cette base de données-là, ce backup-là. Donc, c'est une double sécurité. Puis, votre backup super-duper, votre backup daily, journalier, si vous voulez, bien, lui, va être bootable, ce qui est quand même ce qui est quand même intéressant. Tu as d'autres choses à rajouter? Bien, c'est ça. On parlait de Dolly Drive. On confirme que c'est bien la bonne adresse. Puis on a parlé aussi de Mozy comme autre solution de backup en ligne. OK. Peut-être une petite question. Tu disais préférer Super Duper à Carbon Copy Cloner. Pourquoi? Moi, ça? Oui. Ben, je pense qu'à l'époque que j'avais essayé Carbon Copy Cloner, je pense qu'il n'avait pas fait tout à fait ce que je voulais. Puis Super Duper, en tout cas, c'est une question de préférence. À un moment donné, j'ai essayé les deux. J'ai préféré Super Duper. Même s'il était payant. Je trouve que l'interface de... Oui, bien ça, c'est un des... Oui, c'est ça le problème. Un des avantages de Carbon Copy. Je pense que la méthode aussi de backup incrémental et la façon que le transfert des données est fait est plus fiable sur Super Duper que Carbon Copy Cloner. Puis c'est très, très technique. Là, je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais il me semble que c'est plus fiable sur Super Duper. L'interface aussi, la facilité d'utilisation est plus intéressante sur Super Duper, mais il coûte un petit peu d'argent. Est-ce qu'on a une question? Oui, je vais la faire apparaître. Voilà. Il y en a d'autres dans le chat aussi qu'on a vu passer. OK. On va essayer de répondre à celle-là. C'est Oups. Oups 77, 70, non, c'est Oups qui nous envoie la question de Boisvi, qui nous écoute à partir de de l'application que Daniel nous a gracieusement développée, gentiment développée. Et maintenant, oui, on est encore sur Vocal. Oui, ça fonctionne en Flash. Mais oui, vous pouvez nous écouter sur votre plateforme iOS. Oups 77 sans charge. Et on est très content de ça. On vous l'avait dit qu'en 2012, on le ferait. Et again, we delivered. Donc, la question, vas-y, Jeff. Oui, c'est mon Safari ne m'avertit plus lorsque j'ai plusieurs onglets d'ouvert et que je le ferme. On n'a pas la suite, là, mais je pense que je l'ai vu plus tôt. C'est le resume de macOS Lyon qu'on a parlé la semaine passée. OK. Mm-hmm. Fait qu'à cette heure, maintenant, quand vous fermez une application sur Lyon, Lyon ne vous avertit plus que l'application va se fermer. L'application va se fermer tout seul. Et quand vous allez la réouvrir, tout ce que vous avez fait avec va se réouvrir à la même place où ce que vous étiez la dernière fois que vous l'avez utilisé. La seule manière d'enlever cette option, c'est faut que vous alliez dans aidez-moi, je m'en souviens plus. Bon, on avait une coupe dans le dernier podcast la semaine passée. On avait quelques solutions à ce propos-là au niveau de le fermer. Mais la raison, en fait, pour laquelle Safari vous avertissait quand vous fermiez des onglets, c'est parce qu'il n'allait plus s'en souvenir. Or, la fonction Resume de Lion fait que, par défaut, il se souvient de tout. Donc, c'est plus quand vous fermez Safari, vous voulez qu'il ne se souvienne plus des onglets, c'est là qu'on peut intervenir et qu'on peut faire une série de clés. Je pense que c'est Alt. Tu vas dans Préférences Système Général, puis tu décoches Restaurer les fenêtres à la fermeture et à la réouverture d'apps. Oui, mais ça, c'est enlever la fonction Resume, mais de façon générale sur tout le système. Quand tu veux juste le faire sur une application en particulier. Oui, quand tu veux le faire sur une application en particulier, la façon la plus simple, c'est de faire clique sur Safari, puis tiens Alt enfoncé. OK? Et tu vas voir Quit and Close All Windows. Ça veut dire que tu veux le fermer et qu'il oublie toutes les fenêtres sur lesquelles tu étais. Donc, fais-les pas, Vincent. Hein? Non. J'y ai pensé, hein? Non, j'y touche pas. Vincent le fait Chrome aussi. Oui. Ben, ça le toutes fait pour... les applications. Voilà. Mais c'est parce que Vincent, la semaine passée, quand on l'a expliqué, l'a fait live. Il, a fait... il y a deux semaines. Il y a deux, deux semaines. Semaines. Il l'a fait, semaines. Okay. Il l'a fait live. C'était, c'était très drôle. Je pense que c'était la même fois qu'il était allé chercher Tintin sur, sur Google. Non, ça n'a pas parti de même. J'ai écouté le podcast, là, puis vous avez comme parti sur Tintin, mais j'avais rien fait pour ça. J'avais juste comme pas réagi à une joke, puis ça a parti de là. Il y a Oups 7777 qui dit « Je pense plus que c'est le message. Vous avez plusieurs onglets d'ouvert. Désirez-vous fermer? » Blablabla. Ah, ben ça, ça veut dire... Ah, ben ça, c'est... C'est quand tu as plusieurs onglets d'ouvert dans ton application. Ah, ouais, ben c'est... Ça, c'est peut-être à cause qu'il commence à manquer de mémoire, là. Non, non, non, non, mais c'est ça. Cette option-là apparaissait pour te dire « Hey, tu vas faire quelque chose qui va te fermer un paquet de jobs, un paquet d'onglets en même temps. » Donc, c'est un warning pour te dire, t'es-tu sûr que tu veux vraiment faire ça? Or, t'as plus besoin de warning parce qu'en fermant Safari, si tu fais « Ah, fuck, c'est pas ça que je voulais faire », tu le rouvres puis ils reviennent toutes. Mm. Fait que c'est de là, là que la confusion non, est. Okay. Puis on avait aussi parlé d'un petit utilitaire qui permettait, je me souviens plus le nom là, comme ça, mais c'est un petit utilitaire qui disait je veux aller fermer la fonction Resume, mais pour une application en particulier. Cette application-là, je ne veux jamais que la fonction Resume y soit associée. Par exemple, à Safari, parce qu'il y a du contenu sensible, des trucs comme ça. L'application s'appelle Restore Me Not. Exactement. Mais la personne, ce qu'elle veut, c'est justement l'inverse. Elle veut être avertie. Safari ne l'avertit plus, puis là, la personne veut être avertie. Bon, à ce moment-là, moi, ce que je suggérais, c'est un, de fermer la fonction Resume. Puis je n'ai pas testé, mais peut-être que si on ferme Resume, cette fonctionnalité-là va revenir. Si elle ne revient pas, probablement qu'il y a un plugin pour Safari qui va restaurer cette fonction-là d'avertissement avant fermeture de plusieurs onglets. Okay. Je sais pas, entre vous, est-ce que, là, j'ouvre une parenthèse, mais dans Safari, y en a-tu qui utilisent Safari de temps en temps? Moi, non, pas moi. Toi, Alexis? Oui, j'utilise, depuis Lion, j'utilise exclusivement Safari ou presque. J'ai encore Chrome d'installer. Mais j'utilise plus Safari, je le trouve plus rapide. Est-ce que tu as remarqué quand tu as plusieurs onglets, des fois, tu t'en vas sur un onglet, on dit sur justement Vaco, je vais aller sur Google, puis des fois je vais trop vite, puis des fois tout est blanc, puis il y a une espèce de. Ça apparaît l'onglet, justement, je sais pas moi, répond pas, puis voulez-vous restarter Safari. Ça t'est-tu déjà arrivé ça? Non, ça m'est arrivé sur Chrome, je pense, de me demander de laisser un temps pour que la fenêtre elle réponde parce qu'elle était occupée ou je sais pas quoi. Mais sur Safari, ça m'est pas arrivé, non. OK. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Okay. Ben depuis, je dirais pas les premières versions de Safari, mais dans les dernières mises à jour là, de Safari ou de Mac OS X, ça m'est arrivé souvent de justement changer d'onglet, même si j'en ai deux, trois, puis je roule absolument rien d'autre. Dans Safari, pas dans Chrome, justement d'être pogné, puis là, être obligé de restarter tout le Safari, même si, je sais pas, j'écoute la vidéo, peu importe, puis on dirait que ça demande trop à la machine de Safari. Je sais pas si du monde qui écoute en ce moment... Ça a déjà arrivé, là. Mais moi, ça m'est arrivé et c'est très fatigant. Peut-être qu'ils vont sortir une mise à jour plus tard, là, mais pour l'instant, je vois le problème. Là. Ça a l'air d'être sérieux, là, comme problème. Oh, y a quelqu'un dans le chat qui posait des questions. En fait, il se demandait c'était quoi Chrome, je pense, notre ami Julien qui est en Asie. Chrome, comme on lui a répondu, c'est le furteur développé par Google. Pour que l'Internet aille plus rapide et que vous puissiez consommer plus de publicité Google. Et c'est un furteur qui est basé sur le même sur la même base en fait que Safari, qui s'appelle WebKit, qui est un espèce de plateforme de développement de furteur. Je pense que c'est open source ou en tout cas c'est un standard que tout le monde peut utiliser. Vincent? Pardon? De WebKit, c'est open source comme Oui, il me semble que oui. Okay. Oui, oui. Google a décidé d'utiliser ça, qui est le même. Puis il y a des développements très, très rapides de WebKit qui sont faits. Donc, c'est intéressant. Ça respecte beaucoup de standards. Puis Chrome va d'un côté, fonctionne d'une certaine façon, tandis que Safari fonctionne d'une autre façon. L'avantage de Chrome, c'est que dans les derniers mois avant la sortie d'un nouveau système d'exploitation de Apple, quoique dernièrement, Apple s'est un petit peu réveillé, là, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Safari s'était mis à jour quand le système d'exploitation était mis à jour pendant un bout. Là, ça veut dire que pendant un an, tu avais zéro nouvelle fonctionnalité, alors que les furteurs comme ça qui sont disponibles au téléchargement, Google Chrome, c'est « release fast, release often », donc déployer rapidement, déployer souvent. Et dès qu'ils ont une ou deux lignes de code pratiquement décrits, puis ça se met à jour automatiquement. Là, non, ouais. Tu passes de la version 9 à la version 16, tu ne l'as même pas vu aller, là. Donc, ouais, moi, ce qui me fait rire, c'est plutôt Firefox. Là. Je viens de décrocher de Firefox. Là, oui. Je n'étais plus capable. Avec ces nouvelles mises à jour, à un moment donné, tu étais assez bloqué. Deux, trois, ça a pris du temps. Une couple d'années. Là, tout d'un coup, à un an, il y a eu 4, 5, 6, 7, 8. Là, je ne suis pas rendu où est-ce qu'ils sont rendus. Là. C'est la 10 bêta qui est sortie cette semaine. Oui, c'est ça, bon. Parce qu'ils font, comme Google. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de grand changement. Je viens de passer à 8. Y a-t-il du changement? Je cherche, je trouve pas. Il y a des changements au niveau du support HTML en arrière de sites web. Ouais, que, il y en a trois de fait avec ces standards-là. Téléchargement des fontes, blablabla. Là, ils commencent à mettre des features que, oups, hey, c'est intéressant que Chrome aille ça. Puis Firefox est un petit peu dans le trouble. Ils se font solidement manger la laine sur le dos par Chrome en ce moment. Ben oui. Chrome est en train de tout arracher. Là, sérieusement. Ben, c'est parce que Firefox, c'est devenu un monstre. C'est ben trop lent, ben trop buggy. Il est rendu trop lourd, trop buggy, trop... Puis les nouvelles versions, je m'excuse, mais tu sais, il n'y a pas de... Je vois pas les grandes nouveautés assez pour dire que je passe à une version supérieure, un chiffre supérieur. C'est comme le iTunes des furteurs, tu veux dire. Ah, oh, c'est bon. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça, exactement. C'était pour faire un lien que j'ai dit ça, parce qu'on a une série de questions. Les gens nous posent des questions sur iTunes Match. Et JF, j'ai pas trop fouillé là-dedans, fait que j'espère que tu t'es solidement renseigné et que tu es prêt à répondre, à parer à toutes les questions, parce que j'avoue que moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est seamless. Je suis pas encore arrivé devant un problème flagrant, là, je te dirais, du côté de iTunes Match. Fait que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, on va répondre à Jean-François Olivier qui m'a contacté cette semaine. Il m'a demandé 3-4 questions, fait que je vais vous les poser, puis on répondra ensemble. Est-ce que c'est possible de retélécharger sur mon ordinateur les fichiers de iTunes Store pour les chansons qui ont été matchées par leur système à eux? Ben, qu'un. Oui, on peut. On peut maintenant. Fait que vous fassiez une playlist intelligente dans iTunes et il va tout sélectionner qu'est-ce que vous avez en bas de 256 kbps et matcher avec le système iTunes. Fait qu'il va vous sortir une liste complète de vos chansons que vous pouvez retélécharger. Avec ça, ça retélécharge toutes les chansons qui sont chez iTunes à votre nom. Surtout si c'est des chansons légales, tu sais, que vous avez eues. Fait que... Oui, mais par contre, il y a une nuance. Il ne remplace pas la chanson que vous avez par une chanson neuve. J'ai fait l'expérience là, par un fichier que j'avais de mon Dieu, c'était... Amsterdam de Jacques Brel. Puis c'était le même fichier sonore. C'était pas le fichier de iTunes en tant que tel. Donc, il ne remplace pas le son authentique. Oui. Oui, il le fait. Moi, je l'ai fait, je m'excuse. Puis j'ai vérifié. Mais c'est le même fichier. C'est pas le même fichier. Parce que j'ai téléchargé Amsterdam, puis c'était pas le même. Pourquoi? Parce que moi, c'était un fichier MP3, puis c'est rendu un fichier M4A. C'est là, un fichier AAC avec 256 kilobits. Il y a une recette pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut commencer avec la liste intelligente pour discriminer tes fichiers qui sont pas 128 bits. T'es délit de ta liste de library, mais t'as une icône iTunes Match qui va apparaître. Le petit nuage. C'est en cliquant dessus qu'il va aller chercher la nouvelle version. Mais s'il n'y a pas d'équivalence dans le Apple Store, s'il ne l'a pas, il ne la fera pas l'équivalence. Donc, ouais, non, mais... donc tu vas télécharger ton fichier d'origine que tu as uploadé toi-même sur iTunes Match. C'est ça. Pour savoir c'est quoi la différence, il faut que tu ailles afficher le iTunes Match Status. Et puis ouais, là, il va ça dire... va dire soit que ça a été en attente, soit que ça a été soit que le fichier correspond à leur base de données. Mm-hmm. Mais je veux dire, le fichier correspondait, puis j'ai acheté la chanson de Amsterdam pour vérifier. Puis c'est pas du tout le même fichier sonore. Même si le nuage est là, même si la correspondance était là, je veux dire, c'était le même fichier. Au début, le monde applaudisse, puis sur iTunes. Je veux dire, le fichier n'est pas là. C'est pas le même extrait en tant que tel. OK. Il est possible qu'il y ait des lacunes quand même dans le système. Oui, c'est sûr. Tu parles d'une toune francophone dont Apple semble se crisser à court terme. Donc, ça prend toujours un petit peu plus de temps pour que ce genre de stock-là soit mis à jour puis soit on par avec le reste. Tu sais, c'est Lady Gaga, l'MFAO, puis... Marie-Mé, là, qui sont en premier, qui arrivent là-dessus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, qui ont dit « Hey, ça match, mais ça ne match pas », puis tout ça. Mais c'est des trucs qui vont être réglés au fur et à mesure. Là. Ouais. Parce que j'ai vu la qualité vraiment augmenter par rapport... Le 256, ça faisait la différence vraiment avec le fichier que j'avais sonore. Par contre, comme je te dis, c'était... On dirait que c'était juste le fichier qu'ils ont envoyé dans les serveurs de Apple qui ont modifié puis qui me l'ont renvoyé. Oh, attends, carrément. Attends. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais Amsterdam. Oui. Tu l'as uploadé, donc. Eux autres, ils l'ont matché. J'ai fait le match. Là. OK. Eux autres, ils l'ont matché. La toune que. Ils l'ont matché avec une autre version. C'est ça. Ils l'ont matché avec une autre version. Toi, quand tu es allé voir Amsterdam sur le iTunes Store, tu es tombé sur une version en direct ou en direct de Bercy ou je sais pas quoi, là, qui était pareil. Et c'était la seule qu'il y avait sur le iTunes Store que tu aurais pu acheter. Non, en fait, quand tu t'en vas, quand tu fais le match là, pour vouloir télécharger, tu sprints tes chansons après pour pouvoir après ça les réimporter en 256. Mais après, je les ai réimportées. Le fichier était de meilleure qualité, mais c'était le même en tant que tel, c'était le même fichier sonore. Donc, je me suis dit, ah ben, ça veut dire que c'est le même extrait, dans le fond, c'est le même extrait que j'avais avant de mauvaise qualité, que c'était le même dans le iTunes, dans l'Apple Store. Maintenant, je me suis dit, ben, je vais l'acheter, voir si c'est la même chose, mais c'était pas du tout la même chose, puis c'était le seul fichier de la chanson Amsterdam qui était sur iTunes. Donc, il n'a pas remplacé par ce fichier-là. Parce que sinon j'aurais eu le fichier qui serait authentique là. Ok. C'est pour ça. Ok. Il y a M. Ferguson qui nous dit qu'il ne suit pas trop qu'est-ce qu'on est en train de dire. C'est parce que voyez-vous la mécanique de iTunes Match fait que ils vont regarder ta liste de tunes, ils vont faire un match sur leur serveur. Mais en fait, ils téléchargent pas la pièce. Ils vont faire un match dans les serveurs d'Apple et c'est la version de Apple qui vont nous streamer dans le service. C'est pour ça que si vous avez votre MP3 dans votre ordinateur et qui a fait le match, ça va toujours être votre version à vous qui va être dans votre ordinateur. Donc, la version, par exemple, 128 bits. Si vraiment vous voulez celle de iTunes Match, à ce moment-là, là, c'est la recette qu'on est en train d'expliquer qu'il va falloir faire pour que vous vous débarrassiez de votre fichier de votre ordinateur, mais que vous puissiez aller chercher la version AAC d'Apple en 256 bits et l'avoir dans votre ordinateur. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, ce que je disais, c'est que c'est peut-être pas nécessairement toutes les tunes qui disent qui ont été mises en correspondance, comme Pete Duchamp le dit, que tu les fasses dans ton ordinateur, ce sera pas nécessairement le fichier d'Apple qui va remplacer, c'est peut-être juste le fichier qui va avoir transformé en 256... puis il va te le renvoyer parce que c'est ça qui m'est arrivé, moi. Non, ils peuvent pas améliorer la qualité sonore de ton MP3 pour te le renvoyer en 256, puis qu'il sonne mieux. Ça mais il sonnait pas vraiment mieux, là. Ah, OK. Je veux dire, la qualité, quand j'ai acheté la chanson de iTunes, j'ai vu une énorme différence, là, parce que c'est pas la même qualité, surtout que je l'ai téléchargé en lossless, là. Mais, je veux dire, c'est pas comparable. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que c'est le même fichier qui m'a renvoyé en 256, même si ça ne l'était pas vraiment. Okay. C'est ça que je veux dire. J'imagine qu'il doit y avoir des lacunes parce que, bon, ça a été envoyé mondial puis ça a été chargé pas longtemps après. Là. Mais il y a des fichiers qui ne correspondent pas nécessairement aux fichiers d'Apple, même s'ils sont mis en correspondance. Chose, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Là. L'autre chose que P. Ducharme nous dit dans le chat, et ça a plein d'allure, c'est qu'il est possible que Apple te fournisse un fichier, une chanson, mais que cette chanson-là ne soit pas vendue dans le iTunes Store. Donc, eux, ils ont des chansons, ils ont signé des droits de diffusion, ils ont dit, bon, on va commencer, on va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, on va faire charger 25$. Est-ce que ça te tente, toi, en tant que distributeur de musique, d'avoir une part de cette tarte-là d'argent de 25$ par personne qu'on va ramasser? Peut-être qu'avant, le distributeur, il disait, non, nous autres, on ne peut pas distribuer la musique de Jacques Brel, mais pour ce mode de fonctionnement-là, nous, ça nous tente d'embarquer. Donc, on va te fournir des fichiers musicaux que tu vas pouvoir distribuer à travers iTunes Match, mais tu ne peux pas les vendre parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, les droits de blablabla. Oui, c'est vrai, ce serait une bonne réponse. Si disons que tu es allé en Europe et tu as acheté un disque là-bas qui est une importation ici dans le fond, puis tu l'as repé, puis tu l'as mis dans ton iTunes, puis tu essaies de faire un match, peut-être que le store canadien, il l'a pas cette version-là. Il existe juste dans le store européen, puis à ce moment-là, ils vont faire un match. Avec le store européen, mais pour le Canada, tu peux pas l'acheter. C'est ça. C'est vrai, oui, c'est vrai, ça se peut. Ça peut être ça aussi. Mm. Voilà. J'ai mis le lien du site web où ce qu'on peut retrouver la recette pour faire la liste intelligente. Vincent va la mettre dans les notes du podcast parce que c'est vraiment le fun cette liste là. C'est on voit vraiment toutes les tunes qu'on peut retélécharger sur le iTunes Store. Mais attendez-vous que ça va prendre de la place. C'est long, là. Ça prend beaucoup. Là. C'est beaucoup mais ça marche, ça marche pas toujours. Moi, j'ai une toune d'Alpha Rococo qui est dans le iTunes Store. Okay. Qui veut pas faire la correspondance. Ah! Moi aussi, il y a certains fichiers populaires qui fonctionnent pas non plus. Ouais. Mm-hmm. Moi, elle reste toujours à 128 bits. Tout est... Oh, iTunes Match kilobits. A des goûts musicaux. Oh! Comment? iTunes Match a des goûts musicaux. Il veut pas peut-être. Il veut pas te fournir ton Alpha Rococo. Non. Donc, j'en ai un autre. Oui, vas-y. Oui. Est-ce possible de lire sur son ordinateur, entre parenthèses, streaming, la version AAC de l'iTunes Store pour les chansons matchées? Ben là, on vient d'en parler. Là, je l'avais pas lu comme il faut, là, mais ouais, c'est la même chose. Dans le fond, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, juste pour le faire, mettons que c'est une chanson qui est uploadée là-bas. Si tu cliques dessus pour l'écouter, elle va être streamée. Si tu cliques sur le petit nuage, elle va être téléchargée. Si tu fais apparaître la colonne iTunes Download, iCloud Download, ben à ce moment-là, quand tu puis que ton iCloud status c'est uploaded, ben ta chanson elle est in the cloud, c'est le cloud qui gère ta musique. Donc quand tu cliques sur ta musique, elle joue en streaming, mais si tu veux l'avoir dans ton ordi, faut que tu ailles cliquer sur download et c'est là que ta playlist rentre en ligne de compte. Ouais. L'autre question c'est est-ce possible de synchroniser des listes de lecture et d'activer iTunes Match en même temps? Dès que vous achetez iTunes Match, c'est iTunes Match qui vient par défaut à votre lecture de iTunes sur votre ordinateur. Vous faites des playlists dans votre iTunes sur l'ordinateur. Elle va être automatiquement mise à jour dans vos téléphones, vos iPads, ces affaires-là. C'est par défaut. On peut pas le changer. J'ai pas trouvé de moyen. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais dès que vous faites une playlist dans iTunes, elle est automatiquement mise dans le cloud et mise à jour dans vos téléphones puis iPad. Si tu ne le laisses pas gérer par iTunes, de toute façon, tu risques de te retrouver avec des doublons. Puis ça va être l'enfer. Ça va être un mélange là, total. Là. Voilà. Mais non, c'est ça. Fait que, on peut pas. Une fois que tu gères, une fois que tu pars avec iTunes Match, faut que tu le fasses avec iTunes Match. T'as pas d'autre choix. Excellent. Faites attention, c'est à TuneUp. Il y a des gens qui utilisent TuneUp retrouver les pochettes, les informations d'une toune. C'est super pour nettoyer. Il faut faire attention. Faites-le une par une parce que des fois, ils vous trouvent des nouveaux titres de toune. C'est pas ça, pas en tout. Puis quand iTunes Match voit la nouvelle toune, il va les télécharger, le nouveau titre erroné. Ouais. Donc, faut faire attention. Oui, c'est pas très bon, ce logiciel-là. Là. Ben, ça dépend. Faut bien savoir l'utiliser. Il est un petit peu complexe et tout, là, mais moi, celui que j'avais trouvé, c'était Beatunes, B-E-A-T-U-N-E-S. Ça, c'était puissant en tabarouette pour renommer puis aller trouver des correspondances. Là. Il y avait comme 4-5 moyens de détecter une chanson. Puis il disait, bon, ben, je pense que l'artiste est pas bon. Je pense que l'album est pas bon. Puis tu pouvais choisir, puis batch, processer, c'est-à-dire renommer, en fait, tous les différents champs de des métadatas de ta chanson, de ton MP3. C'est vraiment bien. Beatunes, c'en est un bon. TuneUp, écoute, je l'ai essayé, là, puis ça a fucké le chien. Là. Tout mon François Pérus, maintenant, porte des noms de chansons classiques. Ah! Il ouais. faut vraiment y aller quasiment... Tune par tune ou album par album, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Si vous faites nettoyer tout d'une shot, là. Tu avais une dernière question, GF? Ouais, j'en ai une, dernière à propos de iTunes Match. C'est est-ce que c'est possible d'obtenir un remboursement si on est insatisfait du service? J'ai vérifié, puis c'est une semaine après, quand vous l'achetez, c'est une semaine que vous avez le droit de demander un remboursement. Il y a encore du monde qui sont pas satisfaits du service. Ils ont demandé un remboursement, puis Apple ne veut pas parce que dans leur contrat d'utilisation, si vous avez une semaine pour demander un remboursement, fait que je sais pas s'il y a eu du monde qui ont été capables de se faire rembourser après une semaine, mais à date j'en ai pas vu. J'ai été voir sur les forums développeurs et les forums traditionnels de Apple. Ah ouais, mais tu payes 25$, tu nettoies toutes tes tunes en une semaine, tu te fais rembourser, ça t'a coûté 25$, puis t'es rendu avec toutes tes chansons legit, puis... Oui, parce que c'est ça, parce que... Ah oui, faut dire ça aussi, c'est que, mettons, si vous enlevez, mettons, l'année prochaine, vous l'avez acheté, puis l'année prochaine, vous le voulez plus, mais les chansons que vous avez téléchargées, là, mais ils vont vous appartenir, là, ils vont pas s'effacer, là, c'est-à-dire, les chansons que vous retéléchargez du store, ils vont vous appartenir, fait que vous les perdez pas l'année prochaine si vous le reprenez pas à 28$, là. Fait que ça vous appartient maintenant, les chansons. On nous demande, en fait, on se fout un peu de notre gueule, là, parce que dans notre ami de France qui dit « Vous n'avez pas Spotify au Canada », non, malheureusement, on n'a à peu près rien en termes de streaming. On a Radio, c'est ça, on a... Non, ouais, Pandora, là. Pandora va s'en vient, là. Ah oui? Pandora s'en vient au Canada, là. On ne sait pas quand, mais il s'en vient. Bon. Y est-tu en France, Pandora? Je pense que non. Non, je pense qu'ils ont Spotify. Puis Spotify arrache tout, là, ou je ne sais pas exactement. Puis il y avait une petite bataille là, dans un article cette semaine, là, comme quoi Rhapsody, qui est le deuxième, donc qui est le premier fournisseur de services en streaming là, à 10$ par mois, puis tu peux consommer mes 10 millions de chansons, puis que c'était plus pertinent, eux autres, que le service de Spotify, parce que dans Spotify, tu avais du monde qui s'en foutait parce qu'ils utilisaient le service propulsé par la publicité. Ouais. Fait qu'eux autres, c'était pas vraiment du monde qui suivait, alors que dans Rhapsody, il y avait X nombre de... En tout cas, ils se battent tous pour des liens. M. Fou, il parle de Spotify étant aux États-Unis, ça devrait venir au Canada. Oui, mais c'est un petit peu complexe. Au Canada, on a des lois qui... Parce qu'on est un pays bilingue, normalement. Et donc, au Québec, on a certaines lois qui exigent certaines affaires pour protéger le français. Puis, c'est compliqué pour les compagnies. Puis, bien souvent, ils retardent leur venue au Canada à cause de ces choses-là. C'est, donc, c'est simple à expliquer. Hein? Le Québec est une province francophone. C'est l'équivalent du petit village gaulois d'Irréductible. On fait chier le reste des anglophones qu'il y a ici parce qu'il y a une uniformisation de la langue et de la culture. C'est beaucoup plus simple à gérer au niveau d'octroyer de l'argent et tout ça. Donc, à ce moment-là, on est comme un petit peu une épine dans le pied. Et quand il y a des droits qui doivent être qui doivent travailler avec les droits, ben il faut qu'ils le fassent du côté anglophone, il faut qu'ils le fassent de notre côté aussi francophone. Je pense que c'est par province ou je sais pas quoi, mais je sais qu'on a nos propres mm-hmm. organismes à ce niveau-là ici qui des fois sont peut-être un petit peu lents sur la détente pour rester poli. Mm-hmm. Voilà. Puis il y a MySpace TV, je pense, qui a été annoncé également, si on veut rester dans cette zone-là, en tout cas. C'est... Ah, ça, je ne l'ai pas vu. C'est quoi? Justin Timberlake qui a fait le lancement. Ah, chez Panasonic, non? MySpace TV, il me semble que j'ai vu ça. Il faudrait que je retrouve dans mon fil de presse là, de CIS. Tu as écrit Space comme S? MySpace. Oui, oui, c'est le service MySpace. Ou My avec... Je sais pas si vous avez vu la page MySpace là, qui s'est faite planter dans le fond d'une cour d'école par Facebook. Là. Ils ont changé leur logo à un moment donné, puis c'était My, puis c'était carrément un logo qui voulait représenter un espace, tu sais. Mm. Fait que là, ça, c'est le logo, puis les autres sont juste en train de mourir. Là. Ben oui, les autres, ils finissent pas l'année, je pense. Non. Je vais regarder, c'est sur Texila que j'ai vu ça. Les podcasts de Texila, les... C'est Tiguidou qui nous donne une adresse pour voir les limitations de Spotify. Ça, c'est dans le chat. On le mettra dans les notes de podcast. Donc, ça fait un petit peu le tour de iTunes Match. Il y a du monde qui sont pas satisfaits. Monsieur Ferguson, dans le chat, nous disait qu'il était vraiment pas satisfait. Ça semble pas être ce à quoi il s'attendait. Pour ma part, j'ai pas trop de problèmes avec iTunes Match. Il y a encore des lacunes dans le système. J'en parlais hier avec Bernard pendant que tu étais au téléphone. Puis, j'ai des problèmes des fois. Si, mettons, on commence à downloader une toune et on veut utiliser une autre application. Si je pèse sur mon bouton Home pour utiliser l'autre application, la musique arrête de jouer. OK. Ah. Elle se met pas en background. Fait que l'application de musique arrête complètement de jouer. Faut que je repèse sur l'application pour que la musique recommence à jouer. As-tu vérifié dans 5.1 si ça faisait la même affaire? Oui, oui, c'est celle-là. Okay. Je suis retourné à 5.0.1. Ça fait la même chose. Okay. Puis avec la bêta 3 qui est sortie hier, ça fait la même chose. Fait que le seul moyen que j'ai trouvé, c'est pour vraiment que je redémarre mon téléphone pour que le problème soit réglé. Mais en même temps, ça prend pas tellement de temps à télécharger la chanson. Là. C'est 8 MB, 8-10 MB. C'est pas... tu sais, une fois qu'elle est téléchargée, tu peux la faire jouer et tu vas retrouver ce système-là de pouvoir changer d'application puis écouter ta musique. Ouais. C'est vraiment quand elle est streamée que tu la perds. J'ai une question pour vous autres, moi. Ouais. Mettons, là, tu commences à manquer de place sur ton téléphone avec iTunes Match. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ben, t'as un avertissement et tu peux gérer le contenu de ton téléphone à partir du téléphone, comme tu peux le faire sur le iPad. Là. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté récemment. Mais comment tu fais pour savoir c'est quoi les chansons que tu as téléchargées du iTunes Match, lesquelles que tu peux enlever? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de liste. J'ai pas trouvé de liste. C'est quoi toutes les tunes qui se sont téléchargées? Parce qu'on voit les chansons qui sont téléchargées ou avec le petit nuage. Mais j'ai pas trouvé de liste comment on voit toutes les chansons qui sont juste téléchargées. Ben, s'il n'y a pas le petit nuage, c'est qu'elle est téléchargée. Puis tu as juste à glisser ton doigt dessus. Attends une seconde, on ne voit pas. Mm-hmm. On voit pas pendant tout, là, je dis niaiserie. Mais tu glisses ton doigt dessus et tu as ton petit icône supprimé à côté de... Oui, ça je le sais. Fait que là, tu es obligé de le faire manuellement puis d'en effacer une à une parce que tu les retournes dans le nuage. C'est ça, c'est une par une, mais c'est long à temps. Ben, mais, oui. Puis d'autant plus que quand tu passes par ton iTunes là, puis tu veux... Tu sais, synchroniser ta musique, là, c'est tout ou rien hein, dans iTunes Match. Tu sais, d'habitude, tu dis, ah, je veux juste, comme avant, là, juste cette liste-là. Ouais, mais t'as-tu vu maintenant? Tu peux pas. Mais non, c'est ça. Tu peux plus maintenant. C'est juste une option. Ah, c'est géré par iTunes Match. Vous pouvez plus rien faire. Ben là, crasse. Ça veut dire qu'il faut... On l'a dit tout à l'heure, on se retrouverait avec un paquet de doublons si ça ne l'était pas. Tu comprends-tu? C'est oui, mais là, tu es obligé de... Tout avoir au complet ta musique alors que tu veux pas nécessairement ça. Tu veux te faire de la place parce que, je sais pas, tu fais du montage vidéo sur ton iPad parce ouais. que tu fais des enregistrements de vidéos avec ton iPhone. Tu vas avoir le maximum de place possible dans ton appareil. Ah, OK, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Si la chanson dans ton iTunes, elle est in the cloud, elle va être in the cloud puis elle prendra pas de place sur iOS. Mais si tu l'as téléchargé sur ton iTunes, lui, il considère que tu la veux aussi sur ton téléphone, puis là, il va prendre la place. Fait que t'es obligé d'aller les effacer de toute façon par la suite. J'avoue que comme système de fonctionnement, c'est un petit peu boiteux. OK. C'est ça, parce que c'est long, là. Hey, faut que tu cherches toutes tes tunes que t'as écoutées, que t'as réécoutées, puis après, il faut que tu les enlèves une par une. Là. Hey, c'est long, là. On nous parle dans le chat, sous le truc music, dans les réglages de ton iPhone, sous la rubrique musique, tu as iTunes Match qui est à on, et à la suite de ça, tu as affiché toute la musique. Si tu désactives ça, tu vas probablement afficher uniquement la musique qui est disponible dans ton téléphone. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas obligé de sauter par-dessus toutes les musiques qui ne sont pas dans ton téléphone, okay. C'est-à-dire qui sont de cloud. Tu disais dans Red Lounge, Ben oui. Peux-tu répéter le processus? Réglage, musique. Musique. Puis là, tu as iTunes Match et afficher toute la musique. OK. Puis là, si tu enlèves ça, ça fait quoi? Seule la musique téléchargée sur cet appareil sera affichée. Exactement. Donc, quand tu te retournes sur iTunes, là, il va enlever ton affaire de iMatch d'activé. C'est ça? Non. Ouais, c'est... Non, il va quand même avoir iMatch d'activé, mais tu ne verras pas les chansons qui sont pas dans ton appareil. Oui, ça fonctionne. C'est exactement ce que je voulais. Ouais. Bon, qui a dit ça? C'est Oups. Ah, ben merci. C'est Daniel qui nous a donné le truc. Donc, pour les autres, en fait, pour faire disparaître la liste des chansons qui sont in the cloud dans votre appareil iOS, c'est simple. On va dans Réglages, sous la rubrique Musique. Et les deux premières options, qui sont des nouvelles options, évidemment, dans iOS 5, à ce moment-là, on a iTunes Match qu'on peut désactiver, mais là, si vous désactivez iTunes Match, il y a comme fort à parier que toutes vos chansons vont disparaître de l'ordinateur, ou en tout cas, il va vous donner un avertissement avant de le faire. Et le deuxième, c'est que la liste des chansons qui sont dans le cloud, qui sont disponibles au téléchargement, va disparaître de de l'application musique où est-ce que vous pouvez les écouter. Bien là-dessus, moi, je suis d'accord avec GFO Ferguson. Je trouve que c'est pas intuitif du tout. Faut s'échanger des trucs, faut lire beaucoup pour finalement voir « Ah, c'est comme ça qu'il faut mettre à jour sa toune pour l'avoir en 256. Ah, c'est comme ça qu'il faut savoir synchroniser ou pas sa musique. » Tu sais, faut que ce soit un petit peu plus intuitif. Là. Même nous autres, là, qu'on est supposés d'être des maniaques finis, on est supposé de savoir ça sur le bout des doigts. On en apprend encore à tous les jours. Ouais. C'est sûr qu'au niveau de l'utilisation, il y a comme ce que Apple te vend au niveau fonctionnalité. Et de l'autre côté, la problématique va être ce qu'ils ont été obligés de faire pour que ça fonctionne dans tel et tel cas. Faut pas oublier qu'on vient de passer à iCloud. Il y a encore des relents de MobileMe. On est encore très, très jeune au niveau du système d'exploitation Lion. Donc, c'est clair que dans un an, on sera pas à la même place au niveau du système d'exploitation. Moi, ce que je comprends, c'est que tu sois dans un appareil iOS ou dans ton ordinateur, tu as toute ta liste de chansons, ton ultime liste de chansons est dans le cloud et tu as des chansons qui sont dans ton appareil. Puis ces chansons-là, si tu les sélectionnes et que tu les effaces de ta liste iTunes, que ce soit sur ton appareil ou que ce soit sur ton ordinateur ou que ce soit dans iOS, tu les renvoies dans le cloud. Ils sont disponibles au streaming, mais si tu veux les retélécharger, tu peux le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, il faut évidemment que ces chansons-là se comportent correctement, que ce soit des bons garçons et qu'ils soient matchés ou qui a été uploadé. S'ils sont indelible, s'ils sont duplicate, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes. Mm. Voilà. Je pense que ça met un terme aux questions sur iTunes Match. On a une dernière question. Êtes-vous up pour une dernière question, les gars? Mm-hmm. Oui. Oui. OK, parce que Vincent a l'air un petit peu de dormir depuis tout à l'heure. Mais, ah, je suis fatigué. Ouais, toi, tu viens de mettre, toi, tu viens d'acheter iTunes Match. Tu l'as pris cette semaine ou la semaine passée, si je me trompe pas? Non, ben ça fait 2 semaines. Ça fait un bon 2 semaines, je pense. OK. Puis, moi, j'ai raconté un peu le problème en live, là, mais ouais, j'ai eu un petit problème. Là, tranquillement, je m'adapte. Là, comme tout, tu sais, Mac OS X Lyon, j'avais un peu de misère. Là, tranquillement, je m'adapte. Puis, j'utilise une nouvelle fonction. Puis, je me dis, c'est des features. Là. Excellent. Oui. Les autres questions qu'on a dans le document, est-ce qu'on les travaille ou ben, c'est pour les prochaines semaines? Ben, non, en fait, normalement, on est supposé y répondre, mais on a eu beaucoup de questions qui provenaient de là. Si on regarde la deuxième question, qui est mon disque dur est presque plein, je cherche à transférer mes données sur un disque dur externe, que devrais-je faire? On l'a fait un peu, oui. Mais l'autre Gary pour rouler Windows? Ah oui, effectivement, on a eu une excellente question de ADN Cardinal qui nous demande sur Twitter quel est le meilleur logiciel ou quelle est la meilleure façon pour rouler Windows. Elle nous demande Parallel, VMware ou Bootcamp. Et nous, on a d'autres solutions aussi. Oui, puis il y a une nouvelle qui est lancée aujourd'hui, je crois, il faudrait que j'aille vérifier. C'est, vous connaissez le site OnLive pour jouer à des jeux? Oui. Oui. Ils vont sortir OnLive Windows pour rouler ton Windows sur un iPad, par exemple. Donc, pour une vingtaine de dollars par année, tu vas pouvoir rouler ton propre Windows on the cloud. Oui, c'est ça. Ils te louent un Windows in the cloud qui est performant, qui s'ouvre sur ton iPad. OK? Ouais. Et quand tu l'ouvres, le Windows, tu as un Office dedans. Fait que si tu as besoin d'un full-featured, un Microsoft Office 2011 complet à utiliser parce que tu veux du publipostage, parce que tu veux des fonctions super avancées, mais tu vas pouvoir l'avoir. Ça va te coûter 20$ par année. Puis OnLive va te le fournir en streaming. Ils ont montré que leur technologie de streaming, d'applications, de streaming de jeux, était vraiment solide. Donc, c'est un bon move de la part de OnLive. Puis, je pense que c'est une solution qui va faire que ça devient peut-être moins pertinent pour... On a souvent entendu Microsoft qui allait sortir une version de Office pour iPad. Ça s'en vient, nanana, rumeur. Je pense que ce sera plus pertinent avec un truc comme ça d'avoir une version pour iPad. Eux autres seraient obligés de la développer avec les contraintes de développement d'Apple avec lesquelles, on le sait, ils ne sont pas super à l'aise. Ben, en même temps, une application native, c'est toujours... je ne sais pas comment exactement ça va fonctionner parce que là, ça se peut qu'il y a bien du monde qui l'essaye et ça ralentisse un peu, mais je veux dire, une application native, ça ne pourrait pas se comparer à ce service-là parce que c'est un peu comme des applications qui étaient en web app. Même là, c'est pas comparable. On peut pas comparer ça à des applications natives là dans l'iPad. Quelque chose, si sortait une application, ils travaillent sur un projet de Office, ça devrait mieux rouler que si jamais on roulait Windows sur cette simulation là de Windows sur l'iPad. Ben, je sais pas parce qu'on en a des Documents to Go, on a des Quick Office. Ouais, c'est sûr. On a des logiciels qui sont comme ça et qui sont supposés nous permettre de gérer des documents Office qui sont des applications natives. Évidemment, eux autres n'ont pas tout le code Office qui leur permet d'optimiser à mort le plus possible. Mais on dirait des fois que Microsoft non plus l'a pas, ce code-là. Non. Oh, excusez. Mais... Il va y avoir un bruit de bateau. T'en mettras un aussi pour Patrick Groux. Ça me fait penser, on n'a pas passé la deuxième... Ben oui, c'est ça, je pensais avec. Ben on peut finir le show avec, comme ça. On va finir le show avec la deuxième portion, on va pouvoir prendre un break, aller aux toilettes, bon. Donc, merci Patrick. Donc, c'est ça. Donc, il y a d'autres solutions, on avait parlé aussi l'autre semaine de WinOnX, qui est une application disponible dans le Mac App Store pour $5. WinOnX, WinOnX, là. Ouais. 5 $. Je l'ai essayé avec une application que je me sers souvent sur Windows, qui n'existe que sur Windows, qui une application, faut dire, très spécifique, là, et ça roule très bien. Ça dépend du logiciel aussi qu'on veut avoir sur Windows, parce que généralement, quand on veut installer Windows, c'est parce qu'on a une application qu'on trouve pas d'équivalence là, au niveau Mac. Je vais te laisser finir, je m'excuse, Bernard. Ah, j'avais fini. OK. Pour essayer de laisser aux auditeurs une façon de bien visualiser, là, on a des solutions comme Bootcamp qui sont des solutions, en fait, de double boot et qui sont un bootage du système d'exploitation Windows natif. C'est-à-dire que toutes les ressources de l'ordinateur sont dirigées à rouler Windows, qui en a vraiment besoin. Mais c'est la façon de rouler Windows qui va donner les meilleurs résultats. Si on veut jouer, par exemple, qu'on veut jouer à des jeux Windows, puis qu'on veut les jouer au plein potentiel de notre machine, c'est la solution avec laquelle aller. Puis honnêtement, Bootcamp, à part pour peut-être certaines petites incompatibilités, mais Bootcamp sert à peu près juste à ça, c'est-à-dire rouler ce type d'application-là graphique très, très demandante. Le deuxième type de façon de rouler Windows, c'est la virtualisation. Ça, c'est tous les logiciels comme VMware et Parallel qui sont des logiciels de virtualisation payants et qui demandent en plus une version de Windows. Et on a aussi VirtualBox qui rentre dans cette catégorie-là, qui, lui, est gratuit, mais qui demande quand même une version de Windows pour le rouler. Et la troisième façon de le faire, ce serait l'émulation. Et c'est plate parce qu'à l'époque, quand on avait un G4, un G5, il y avait un logiciel qui s'appelait Virtual PC. Et c'était pas de la virtualisation. C'était pas Virtual PC, c'était de l'émulation PC. C'est-à-dire que ça essayait de se prendre pour du hardware différent. Et c'est là, quand un ordinateur essaye de se prendre pour du hardware différent, si un processeur x86 essaye de se prendre pour un processeur RISC G4, il va mourir. Mais si c'est le contraire, ben il est pseudo-capable de le faire en émulation. Il essaye d'émuler du matériel différent. C'est sûr que les machines qu'on a aujourd'hui sont très puissantes et que pour des petites applications, ça va bien fonctionner. On a un système qui s'appelle Crossover et Crossover Gaming. Et on semble nous dire dans les vidéos que ça fonctionne assez bien. Évidemment, c'est les vidéos promotionnelles, mais le gros avantage de Crossover, qui est un petit peu spécial, c'est que lui va faire une émulation, mais il va vous fournir tous les API nécessaire pour rouler des applications et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'avoir Windows. Fait que tu achètes un logiciel, puis techniquement avec ce logiciel-là, tu es capable de rouler. Je pense que ça s'apparente à ce que tu nous parlais, Bernard, WinOnX. C'est basé sur Wine. Le crossover, c'est basé sur Wine, effectivement. Ouais, mais WinOnX aussi. OK. Parce que l'affaire qu'ils ont fait, par exemple, c'est beaucoup plus intuitif avec WinOnX que Wine. OK. Donc, c'est beaucoup plus facile d'installer une application. Tu télécharges ton application Windows, tu as double-clic, WinOnX, tu la prends en charge, elle l'installe, ça prend 3 secondes, merci, bonsoir. Donc, vraiment plus simple. Là. Dans le chat, on est en train de parler de différentes solutions. Là, Xen Server avec le client, puis Citrix, puis tout ça. Ce sont des solutions qui sont plus corporate, peut-être moins accessibles au commun des mortels, à monsieur, madame, tout le monde. Là, donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas nécessairement là, de ces solutions-là. Là. On parle plus de celles qui sont distribuées facilement. Mais il faut dire aussi, comme tu disais, maintenant, nos machines sont quand même assez puissantes maintenant. Mais il faut dire que quand vous partez une partition en virtualisation, ça bouffe à peu près la moitié de votre système, là. Puis l'autre moitié est quand même hypothéquée par le système d'exploitation que tu es en train de rouler, c'est-à-dire celui avec lequel tu ouvres ton ordinateur tous les jours, plus les applications que tu roules. Fait que c'est facile avec ce genre de système-là de atteindre les limites ressources et de voir des ralentissements. Oui, partez pas Photoshop machine. En virtualisation parce que vous allez manger vos bas quelque chose de rare, là. Effectivement. D'autres questions rapidement auxquelles tu voulais qu'on réponde, Bernard? Je pense qu'on a pas mal tout répondu. Ouais, ça c'est fait. On avait une petite dernière de... Ah oui, on avait une petite dernière du maire Doré, non? Jean Doré? Du maire Doré. Oui, de Jean Doré, mais en fait, la première auquel on n'a pas répondu, qui est Yann Pelletier, qui nous a demandé sur Mac Québec Entraide, quand est-ce qu'on pense que l'application ChatOn, qui est une application de Samsung, va être disponible sur le store canadien. On n'a pas de date à proprement parler pour cette application-là. Pourquoi cette application-là est intéressante? C'est une application de Samsung qui est multiplateforme et qui permet d'envoyer des messages là, un petit peu à la manière de iMessage. Oui, mais j'aime pas dire iMessage parce que iMessage, c'est que c'est un logiciel de SMS, de messagerie qui s'apparente à BlackBerry Messenger, qui est un produit très, très singulier, très, très spécifique. C'est plus du chat, tu sais, c'est plus MSN Messenger, c'est plus, c'est plus un client Messenger, mais multiplateforme, et qui te permet de faire de la vidéo entre quelqu'un Android et quelqu'un qui serait sur iOS. Donc, c'est pour ça que cette application-là est intéressante. Pourquoi elle n'est pas disponible sur l'Apple Store? J'ai l'impression que ça coche peut-être un peu du côté de Apple. Peut-être que c'est là. Peut-être que le mot « chat on » au Canada est détenu par quelqu'un d'autre. Parce que « chat », en fait, je sais pas. C'est pas la compagnie de Rogers de cellulaire, ça, « chat on », me semble? Chatter. Mais l'application ChatOn est disponible pour Android dans le magasin canadien d'Android. Donc, pourquoi elle n'est pas là, c'est un mystère, mais c'est une application qui est intéressante à cause de ça et on va tenir au courant les auditeurs quand cette application-là va être disponible. Voilà. Puis pour les prix éducationnels, une autre question de M. Doré, généralement, c'est environ 10 % ce que ça donne. Puis il faut être, bien sûr, dans le réseau éducationnel. Ouais. Puis c'est pas pour tous les produits. Un iPhone ne sera pas là-dedans, un Mac Mini ne sera pas là-dedans. C'est plus pour les ordinateurs. Les ordinateurs Mac Mini, il y a une vingtaine de dollars. Ah oh, ouais, Mac Mini, c'est vrai. 20, mais je voulais dire iPad. Ouais. Donc, ces appareils-là, non. Les iPods, non plus. Mais pour ce qui est des... Tout ce qui est desktop. Tout ce qui est ordinateur, ça, c'est correct. Mais c'est pas des gros, gros, gros rabais. Là, pour s'entendre à des... Ben, mais toujours un rabais, toujours est bienvenu. Là, mais, C'est ça. Tout au long de l'année, en fait, Apple vend à prix un peu moindre. Ils font une espèce d'effort ou un semblant d'effort pour vendre leur ordinateur ben, un semblant, petit peu moins c'est cher. Fun, on s'entend. Oh, oui, mais c'est couplé de 50 % là. La semaine prochaine, là, le 19 janvier, ouais, non, là, ils disent maintenant là, nos ordinateurs pour les étudiants, on les vend 50 % de rabais. Ouais, là, ça va être malade. Là, tu viens de faire quelque chose. Mais ce ne sera pas ça. Là. Ça va être des manuels scolaires. Mais on s'écarte. Donc, Apple fait un semblant d'effort. Puis, ils ont toujours été... En tout cas, tu sais, tu fais un petit effort plus que tout le monde, ben, tu sais, t'es tout seul à le faire. Fait que les autres compagnies, il n'y en a pas beaucoup qui font des rabais éducationnels. Là. Toshiba, peut-être, dans certains magasins, mais c'est à peu près tout. Là. Dell ne fait pas d'éducationnel. Gateway non plus, HP non plus. Bon. Parlant d'éducationnel, il y a un event qui a été annoncé qui va toucher le monde éducationnel. Qui va être tenu au Guggenheim Museum à New York. Oui. Oui. Yes, sir. Donc, la rumeur, en fait, c'est probablement quelque chose au niveau de la distribution du matériel scolaire, puis ça risque d'être américain, là. Oui, d'après moi, oui. Voilà. Mais gars, je vais faire une petite comparaison, vite, vite, là, entre les prix traditionnels et les prix éducationnels, là. Oui. Un MacBook Air, ça part en traditionnel, c'est 999 $. En éducationnel, c'est 949 $. Donc, c'est 50 $. C'est 50 pièces de moins. Voilà. Un MacBook Pro, c'est 1249 à comparer de 1149. Donc, c'est 100 $, ça. Voilà. Donc, ce rabais-là, à la base, est intéressant. Pour pouvoir y avoir droit, vous devez être professeur, étudiant et chargé de cours dans une des institutions sous la gouverne du ministère de l'Éducation du Québec. Et les employés aussi. Oui, et les employés de soutien, en fait, de l'université. En fait, pour savoir si vous êtes éligible, sur le site, une espèce de petite liste que tu descends pour voir les collèges, universités, etc., pour voir si tu es dans la liste. Mais de toute façon, j'ai fait le tour, puis toutes les cégeps, presque. Inquiétez-vous pas, au Québec, là, ils sont pas mal toutes là-dessus. Là. OK. Je peux même vous dire qu'il y a certains magasins qui ne demanderont jamais votre carte d'étudiant ou d'employé ou... Certains magasins Apple, ouais. De moins en moins, récemment, il y a eu un audit de la part d'Apple, puis ils sont rentrés dans les rangs. Donc, ils vérifient un peu plus, mais il n'y a rien qui vous empêche d'amener... on devrait partir un service rent a student sur Internet, puis genre, tu le loues, tu vas t'acheter ton ordinateur, tu prends ton café moins cher et tu retournes chez vous avec le rabais. Ce qui est intéressant, par contre, deux aspects qui sont intéressants, des rabais éducationnels qu'on peut trouver. Puis c'est pas partout qu'ils vont les vendre, faut le dire. Vous avez les Apple Store qui offrent les rabais éducationnels, si vous leur mentionnez que vous êtes étudiant, professeur, chargé de cours, employé de soutien à l'achat de l'ordinateur quand vous achetez votre machine dans un Apple Store. Et il y a aussi les magasins autorisés, soit les coop en milieu scolaire sous la gouverne de Coopsco, ou soit, il y a deux universités à Montréal qui ont décidé de faire affaire avec une compagnie privée pour avoir des magasins d'informatique à l'intérieur de leurs enceintes. Donc, on ne fera pas nécessairement de publicité. Sherbrooke aussi. Effectivement. Sherbrooke fonctionne. Donc, trois universités. Et ces magasins-là vendent d'éducationnel. Qui dit éducationnel, en fait, dit oui, le rabais qu'on a mentionné pour les ordinateurs, mais souvent... on va avoir, par exemple, un rabais postal sur une imprimante à un autre moment qui est plus opportun pour les étudiants que la vente au détail normale. C'est-à-dire que de tel mois, vous avez une imprimante souvent qui est gratis si vous achetez chez Apple à 100$ de rabais. Mais du côté éducationnel, vous l'avez, par exemple, du mois de juin au mois de septembre. Et ces mois-là que je viens de nommer, Apple, depuis, je vous dirais, les 7 dernières années, sont très, très agressifs au niveau du marketing. Et il y a une époque, te permettait d'acheter, si tu achetais un iPod avec ton ordinateur, Apple a commencé par rembourser une partie du iPod, finalement rembourser tout le iPod, finalement t'offrir un iPod Touch gratuit. Et là, ils se sont calmés un petit peu. Je peux pas vous dire pourquoi, mais cette année, c'était une carte cadeau. Donc, tu achetais ton ordinateur à Apple et Apple t'offrait une carte cadeau de 100$ sur le iTunes Store. Donc, ça retournait dans leur poche, mais en même temps, tu avais 100$ qui t'obligeait en quelque sorte à acheter tes applications. Puis, je pense pas que ce soit tant que ça, surtout du côté développeur, puis Vincent va être d'accord avec moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose que d'essayer de sensibiliser, bon, c'est sûr qu'Apple s'en met dans les poches, là, mais de sensibiliser les gens à consommer puis à payer leur application. Et peut-être même ils poussent sur ça parce qu'ils ont peut-être un peu plus peur d'Android qu'au départ, là, parce qu'ils n'ont jamais fait ça avant, puis Android existait, tu sais, fait que peut-être un peu, ils veulent pousser plus sur le mobile encore. Peut-être. Peut-être, mais gars, comme j'ai vu cette semaine, il y a beaucoup de développeurs qui ont peur d'aller programmer sur Android. Oui, OK, ils sont rendus avec beaucoup d'applications sur l'Android Market, mais il y a encore beaucoup de monde qui ont de la misère à aller là parce que vu que c'est tellement compliqué avec les versions de téléphone Android, quelle version qu'il y a, Ice Cream Sandwich, l'autre d'avant, puis c'est vraiment compliqué à programmer là, pour 23 000 versions. Là. Je voulais juste revenir et terminer sur la question des applications éducationnelles, puis en vous écoutant et en y réfléchissant, j'ai eu une autre idée. Donc, le troisième point qui est intéressant au niveau de l'achat éducationnel va être au niveau des applications qui sont beaucoup moins chères. Au niveau de Office, le gain, en fait, ou si vous voulez, l'économie s'est diminué au courant des années. Il y a certaines universités qui vont fournir à leurs étudiants une version à 79$ single user Donc, une utilisation pour Office, ce qui est quand même pas si mal, à 80 $ c'est encore peut-être trop peu par rapport à iWork de Apple, mais qui est à 15 $ chaque application. Là, donc, ça, c'est intéressant. Ça ne bat pas Windows 7 Ultimate à 22 $ que j'ai acheté. C'est clair. Es-tu sérieux? Ouais, ils ont des deals comme ça à l'université, à certaines universités. Mais au niveau des produits Adobe, au niveau des suites de logiciels Adobe, il y a vraiment des gros rabais à avoir là-dessus. Les suites vendues pour étudiants, la Ultimate, si je me trompe pas, le prix est autour de 650 $. Et ça, c'est la grosse suite complète là, avec les 14 logiciels de Adobe, là, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Dreamweaver, tout le kit, c'est autour de 650 $ quand on est étudiant. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Et là, j'extrapole, puis je suis en train de me dire, si l'annonce de Apple, au niveau éducationnel, on s'attend à ce que ce soit une annonce au niveau des livres, OK? Parce que nous, c'est jusque-là qu'on est capable de voir. Sauf que Apple a des ententes, des contrats, avec tous les fournisseurs de logiciels maintenant qui sont distribués par Apple dans le App Store, s'ils étaient capables de rendre toutes ces applications-là gratis pour les étudiants, s'ils avaient fait un deal pour que les applications, dès que tu t'identifies en tant qu'étudiant, d'une manière ou d'une autre, avec ton compte iTunes, tu avais l'application gratis. Vous imaginez ça? Ouais, mais Apple perdrait de l'argent. Oui, sauf que tu irais chercher tous les étudiants qui commenceraient à travailler sur ta plateforme et qui, après ça, une fois devenus de bons citoyens, qui gagnent une somme d'argent intéressante parce qu'ils sont allés à l'université, puis c'est des lampions de Schwinner qui ont gagné à l'université parce qu'il y avait les bons outils. Mais là, quand ils payent des impôts puis qu'ils font des gros salaires, là, ils peuvent les payer, les applications, tu sais. Ouais. Fait que ça ou peut-être pas gratis, mais une espèce de rabais de malade, ou encore un système à la iTunes Match où est-ce que tu payes un 50, un 100 $ par année, puis pour cette année-là, tu as accès à toute ta série d'applications que tu as besoin ou à un nombre X d'applications que tu télécharges. Mais ça pourrait ressembler peut-être à quelque chose à comme ça, ce qui serait assez malade, là, tu sais. Puis faut y penser, pourquoi Apple annonce un événement au niveau de l'éducation? Y en ont-tu déjà fait, là? Jamais. J'ai jamais vu ça. Non plus. La dernière pour le EMAC, parce que c'était un ordinateur dédié pour l'éducation. Mais c'était du hardware, c'est tout. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose de gros, parce que les MacBook Pro, ils ferment le magasin un matin, tout le monde se le dit sur les sites Apple, puis quand ça rouvre, tout le monde, ils disent « Bon, ben voici les nouvelles machines ». Si c'est pas quelque chose de gros, là, je vois pas. Ça sera pas du hardware jeudi prochain, là, c'est sûr et certain. C'est clair, mais c'est quoi? Tim Cook veut aller, ou EDQ veut aller se pratiquer sur scène avant une grosse annonce de iPod 3? Ou, peut-être une nouvelle suite iWork qui fait longtemps, là. Oui, c'est vrai. Ça pourrait, ouais. iWork ouais, iLife. 2012, hein. Voilà, ça serait bien. 2012, puis une licence de site, ça existe. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Une université, par exemple, ou une compagnie peut acheter une licence de site. C'est-à-dire que s'ils ont, je ne sais pas, au moins 50 000 étudiants, 5 000 employés, ils peuvent acheter 55 000 licences, one shot, puis ils distribuent ça gratuitement. Voilà. Office, ça en est un bon exemple. Par exemple, dans des compagnies. Donc, les gens n'ont pas à acheter leur licence. C'est fourni par la compagnie, c'est centralisé. Il n'y a pas de numéro de série à entrer, rien. Là, c'est le bon vieux Volumed Office. Volume, ouais. Ouais, c'est ça. Ça existe pour Adobe aussi. Oui. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est un autre. On approche du 2 heures de toute façon encore pour ce podcast. Que j'ai enregistré au complet, messieurs, ne vous inquiétez pas. J'ai parti l'enregistrement avant même qu'on commence. Donc, je vous dis bonne semaine. Monsieur Miller, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et faut le dire, vous êtes très occupé en ce moment. Je suis très occupé en ce moment. J'ai plein de contrats qui arrivent comme ça. On peut me retrouver d'abord, on peut me retrouver d'abord sur Twitter à DEVVMiller, donc en dessous de la caméra, ceux qui nous suivent, c'est écrit. Ensuite, sur mon site web, vmiller.ca, donc pour me contacter. Juste une seconde, j'oubliais quelque chose. Oui. Bouge pas un petit instant, on va en avoir un... On va avoir un petit 10 minutes là, à écouter. Okay. C'est la suite de l'entrevue. Puis je vous reviens après ça. Il y a quelqu'un qui nous l'a demandé. On a tous les yeux qui ferment. Ça n'a rien à voir. Ça, il faudrait en parler à Mirego. Okay. Je pense que ça n'a pas nuit. T'sais. Je pense qu'on a un bel échange, les deux, parce que c'est une application qui était quand même coûtait très cher à monter, à faire, tout ça. Moi, de mon bord, j'avais déjà investi beaucoup, comme je disais tantôt, pour d'autres choses. Les avocats, puis tout ça. Comptable, monter le projet, les marques de commerce, tu sais, je veux dire, il y en a des affaires. Et Mirego, au début, on parlait de montant, puis tout ça, puis tu sais, c'était de l'argent. Puis je voyais qu'ils étaient très intéressés, puis je voulais pas prendre le risque. Écoute, j'avais pas envie d'investir des dizaines de milliers de dollars puis pas trop savoir où aller. Puis en même temps, j'avais envie de travailler avec une bonne équipe puis en équipe, avec des gens compétents. Moi, je veux dire, ça, c'est leur spécialité à eux autres. Puis c'est vrai que j'aurais pu prendre le cash ou l'emprunter ou tu sais, puis l'investir puis dire, regarde, tout est à moi puis vous autres, faites l'application. Mais j'avais envie de collaborer. Je les sentais motivés. Je sentais qu'ils avaient envie d'embarquer là-dedans avec moi. Puis je trouvais que c'était une bonne collaboration. Donc, eux ont fait l'application, tout ça. Là, je peux pas rentrer dans les détails de l'entente. Mais en même temps, je pense que le fait que je parle d'eux autres, puis tout ça, ça nuit pas non plus. Puis les gars sont bien contents. Fait que c'est une super belle collaboration. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, un mois que l'application est sur le... Je pense que c'est depuis, si je me trompe pas, c'est autour du 15 décembre, entre le 14 et le 16. Là. OK. Tu me disais que vous vouliez sortir ça avant la période des fêtes parce que ça allait être un gros moment pour ça. Là, 15, la publicité, ça va commencer à se parler de bouche à oreille. Ça va comment depuis? Est-ce que les je sais pas si tu peux nous parler de chiffres de téléchargement, ça a l'air de quoi? Écoute, ça a l'air énorme. C'est drôle, hein? Tout le monde m'écrit parce que tu sais, je mets des liens. Comme ce matin, entre autres, il y a App Safari. Je sais pas si tu as vu ça. C'est une gang de la Californie qui font ça. Ils font des critiques d'application, puis on a une super bonne critique. D'ailleurs, dans leur tome 25, on est premier. On a eu 5 sur 5, 5 étoiles. Puis tu vas voir, dans toutes les critiques qu'ils ont faites, ils en ont vraiment pas beaucoup. Fait que je trouvais ça vraiment trippant. Fait que j'ai envoyé ça sur Twitter. Puis les gens sont allés voir. Puis effectivement, c'est trippant, tu sais, quand tu vois ça. Une gang de Los Angeles, en fait. Puis là, tout le monde disait, tabarouette, tu vas être millionnaire, tu vas être riche, tu vas... Écoute, j'espère peut-être un jour si ça marche, mais pour l'instant, oui, on en parle, oui, on y va, mais c'est long, le bouche-à-oreille, c'est long. On est peut-être à... Là, ça fait 4 jours que je suis parti de chez nous, que j'ai pas regardé mes patentes, mais on est peut-être autour de 3000 queues à date, tu sais, okay, de vendus. Fait que c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup, j'ai aucune idée. Moi aussi, j'apprends là-dedans. On est ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois, là, bientôt, donc un mois, là... mi-janvier, fait que je sais pas comment ça va. En même temps, on est dans le processus de, on a écrit un peu partout sur plein de sites parce qu'il y a beaucoup de gens, dont vous autres, qui font des critiques d'application. Donc ça, c'est le fun, c'est une bonne publicité gratuite. T'as des gens qui font ça, mais en même temps, c'est quelque chose. Il faut apprendre ce game-là. Aussi, c'est une gimmick, là. Tu fais une demande de critique et là, tout de suite, on te réécrit, on dit, ben on a trop de monde, puis blablabla, mais si tu payes, tu sais, on va peut-être en faire une critique où ils veulent nous vendre de la pub à 1 000 $, 100 $, 500 $ ta shot. Fait que là, à un moment donné, faut que je décortique ça puis je comprenne un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Dans l'application, en fait, ça te permet de consulter tes propres vidéos. En fait, donc, consulter tes propres vidéos, consulter des photos ou consulter du YouTube. Et à partir du moment où tu lances... J'ai pas regardé du côté photo encore, mais à partir du moment où tu lances la vidéo, tu la mets dans les mains du jeune, de l'enfant, ou d'un ami, là, dans le communiqué de presse, vous parliez d'amis. Là, il y a un enregistrement qui est fait automatiquement. Dès que tu arrêtes, c'est sauvegardé dans le camera roll, exactement, la base de données. OK. Pour l'instant, vous avez YouTube. Est-ce qu'il y a des plans pour rajouter d'autres sites de vidéos en ligne? On aimerait ça, puis c'est drôle, j'y pensais dernièrement, justement, j'aimerais ça parler à la gang de Mirego, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que, en passant, je les prends, vos commentaires, hein, puis je trouve ça trippant, on parlait de Twitter tantôt, il y a du monde qui m'envoie des affaires, c'est bien constructif, puis il y a quelqu'un d'ailleurs, dernièrement, qui, en fait, quelques personnes qui m'ont demandé ça, est-ce qu'il y aurait aussi, là, ça, le nom m'échappe. Dailymotion. Dailymotion, merci beaucoup. Les trois m'ont demandé la même chose, fait que on va essayer de regarder ça, puis ça serait peut-être quelque chose de le fun, ça, ouais. Je veux vraiment qu'on y pense. Là, on vient de sortir la version 1.2. Il y avait des petites affaires qu'on voulait ajuster. On se disait, quand ça va marcher, puis ça va rouler, puis ça va être à notre goût, là, on va commencer à penser, justement, rajouter des affaires, là, tranquillement, pas vite, à l'application. T'en as peut-être glissé un mot. Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres applications? Est-ce que ça t'a donné comme la piqûre, puis t'es comme, ah oui, il y a ça qui pourrait être fait, puis tu veux un peu te lancer là-dedans et diversifier? Parce que c'est... On s'entend, à la base, c'est le talent créatif. T'en as pour l'humour, t'en as pour la chanson, t'en as, tu sais, la créativité, t'en as pour d'autres choses, là, tu sais. Ben, sais-tu quoi? C'est drôle que tu me demandes ça parce que ce que je trouve incroyable, moi, les applications, on le sait, là, pour l'instant, en tout cas, c'est l'avenir. Il y a tellement un potentiel absolument incroyable, surtout, je trouve, pour les super apps, qu'on appelle, les espèces de super applications qui... Tu sais, où il y a une bonne idée derrière ça, en plus de, tu sais, on a passé l'étape des iFart puis tout ça, puis on avait bien du fun, puis moi-même, une fois de temps en temps, je sors mon iFart, mais je trouve ça le fun aussi qu'on a comme pogné une coche avec les applications. Puis moi, c'est vrai, j'étais un gars d'idées, puis un gars d'idées, ça dort pas la nuit. Puis j'y ai pensé dernièrement, j'ai dit, écoute, dans ce milieu-là, avec les applications, tout ça, tu sais, je pourrais tellement en faire, tu sais, de lancer d'idées puis tout ça. Puis en tout cas, j'ai plein de projets par rapport à ça, mais en même temps, ma priorité, puis c'est ce que je vais faire dans les prochains mois ou la prochaine année, c'est que je veux réussir je veux que Attrape Moment ou Moment Catcher marche super bien, que ça roule. J'ai envie qu'on en fasse parce qu'on a un million d'idées, nous autres aussi, pour des upgrades. On veut l'envoyer ailleurs. On aimerait bien ça. Je veux que ça marche, ça. Je vais mettre toutes mes énergies là-dedans. Puis si un jour ça va bien, puis on fait de l'argent, puis c'est le fun, ben là, peut-être que je vais pouvoir investir dans d'autres choses. Mais c'est certain que, oui, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais en même temps, il y a énormément d'énergie et d'argent à mettre là-dedans. Fait que tout va dépendre de comment ça va fonctionner avec Attrape Moment. Parfait. Écoute, merci infiniment de nous avoir dit oui. On a été mis en relation grâce à Twitter. Puis c'est super sympathique de ta part d'avoir accepté. On est, ça fait plaisir. On est un petit podcast, mais en même temps, ton produit est comme un peu ciblé. Puis je pense que ça va plaire à tous nos auditeurs de podcast. Merci encore, Patrick Gros. Hey, merci à toi, Alexis, puis à la gang aussi. Merci beaucoup. On souhaite bonne chance à Attrape Moment. Et puis, c'est sûr qu'on va te réinviter s'il y a une autre application qui sort des usines Gros. Oh! Attends, on va prendre une autre note. Merci, Alexis. Parfait, salut bien. Ah. Donc, c'était notre entrevue avec Patrick Gros qui nous parlait de Attrape Moment. On est bien content de l'avoir eu. C'est spécial quand même, un humoriste qui décide de foncer comme ça puis d'avoir une application puis de la pousser jusqu'au bout. Là. Je trouve ça pas vrai. Moi, je pense qu'il aurait dû appeler Vincent. Moi, je pense. Mais, tu sais, c'est lui, là, s'il veut aller avec Mirego. Mirego, c'est... Gang d'amateurs. Hey, tu sais... Voilà, écoutez, il y a encore du monde avec nous autres, là. C'est assez capoté. On a fait 2 heures, là, sérieux, de show. Merci d'être resté avec nous, puis... Merci la gang! Merci la gang! Merci la gang! On va faire un corbitard! OK, on parle du Finder jusqu'à 8h du matin. Ah, je voulais faire une parenthèse aussi. Quand on parlait tantôt des rabais pour les jeunes ou pour les étudiants, oubliez pas que c'est ça dure. Ben, une fois que vous allez acheter votre Mac, on va dire MacBook Pro, vous avez 100$ de rabais dessus. Oubliez pas que vous pouvez pas en acheter un autre ou avant un an. Faut être sûr, là, parce que moi, quand je me suis fait voler mon ordinateur, j'ai pas pu utiliser justement ce rabais-là parce que ça faisait pas tout à fait un an. Donc j'étais pris à payer finalement le plein prix. Puis ben avec le prix d'enfant que les assurances me donnaient, j'ai dû pas downgrader là, dans la capacité, mais je pouvais pas utiliser ce rabais-là pour m'acheter une machine un petit peu puissante vu que ça faisait à peu près un an. Qui t'a empêché d'acheter une autre machine éducationnelle? Puis où? Ouais. Dans un Apple Store. C'est dans le contrat. C'est écrit, tu peux pas avoir écrit. Plus qu'un ordinateur. Ouais, mais ils prennent pas ton nom. Oui. Ben, ouais, ils prennent ton nom et ton numéro de carte ben, là, d'étudiant. Oui, mais le magasin éducationnel, il n'y a pas une base de données. Tu n'as pas le droit de monter une base de données parce des étudiants comme ça. Là, payé avec une carte de crédit, puis le nom qui est payé pour la carte était ça. Okay. Une question pour toi, Vincent. Oui. Quand tu t'es fait voler ton Mac, l'assurance t'a redonné combien? M'a donné le prix du Mac moins le prix... Bon, c'était 300$ de moins. Ouais, non. Il avait fait le tour, puis je pense que je payais à peu près 300$, puis il me donnait un montant pour ça. Mais dans le fond, j'ai eu à peu près la même puissance de la machine pour le montant qu'il m'a donné. J'ai pas été obligé de débourser 300$ pour augmenter. Finalement, ça tombait bien. Ça, c'est un super bon sujet, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on essaiera de voir, en fait, peut-être par expérience, puis avec les gens qui nous suivent, de voir leur expérience avec des assureurs, les franchises, est-ce qu'ils vous ont obligé à acheter une machine moins puissante ou est-ce qu'ils vous ont payé le même prix que la machine que vous aviez, tout ça. Moi, j'ai 2-3 expériences là-dedans, donc ça serait intéressant pour un prochain show de faire ça. Donc, on se posera nous-mêmes la question et on y répondra. Puis des fois, il t'exige d'aller acheter à tel magasin. Ouais. Belle gamique, hein? Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai pas eu de problème là-dessus. J'ai juste vu que j'avais pas ma facture sur papier, mais j'ai appelé le Apple Store que j'étais allé à Ottawa. Il m'a renvoyé la facture par courriel. Puis ben, j'ai pu le transmettre à mon assureur, puis il n'y a pas eu de problème pour ça. Mm-hmm. Ben, on va en parler une autre fois. Là, oui. On me dit que les studios ont fermé, les lumières vont se fermer, tout ça. Bernard, rapidement, on peut te trouver sur Twitter avec @cybernard ou bien Google+ ou sur Internet, vous tapez cybernard, vous allez me trouver. Excellent. Jean-François? Sur Twitter, JR1979 et le même nom sur Google+. Et Vincent? Encore une fois, DEV Vmiller en dessous de la caméra ou sur mon site web vmiller.ca. Pour ma part, on me retrouve sur Twitter sous le nom de Alex Cornelier. Et je vous dis bonne semaine parce que on est rendu au bout de la bobine. Salut!